199. 199. J'en profite parce que c'est la dernière fois, avant un bon moment. Et donc pour ce podcast science 199, tradition annuelle depuis plus d'un an maintenant, les Podcast Science Awards. Bonsoir à tous. Autour de notre table virtuelle ce soir, nous avons en direct de Lausanne, Alan. Salut Alan. Salut Tup. Qu'est-ce qu'il y a, ça va? Ouais, on sent que tu t'es fait plaisir avec ton 199. Ah, ça fait bien, mais c'est la dernière fois là, avant un bon moment. Donc. Écoute, je tenais quand même à te féliciter, t'as été exemplaire pour la série des 90, des 190. C'est beau, j'ai hâte d'en être, ce sera quoi la suivante? 270? Ouais, c'est ça, 70. Ouais, bon, on en a pour un moment là. On en a pour un petit moment. Sinon, donc nous avons en direct de Nice, Julie, salut Julie. Salut. Nous avons en direct de Paris, Robin et Boson, salut tous les deux. Ouais, salut, qui est parti faire un tour avec sa mère. Ah, donc Robin tout seul. Et en direct de la bourgade de Tournefeuille, quatre fleurs sur les panneaux. Nous avons Tournefeuille, donc. Nous avons moi-même. Bonsoir. Et Joanne. Et Joanne, putain, j'ai oublié. Et voilà. Et donc, vous le verrez dans un award, je suis toujours incapable de dire les bonnes villes, mais c'est Baltimore, c'est ça? Il est où? Ah, bravo! Baltimore, c'est ça. C'est ça. Salut. Donc, Baltimore dans le sud de l'Amérique du Sud, quoi. Bon, encore, mais ça viendra. C'est pour le bien d'un award, alors faut que je fasse. Bon, alors au sommaire de l'émission de ce soir, vous l'aurez compris à notre ton, nous sommes la veille de Noël. C'est un peu n'importe quoi, genre n'importe quoi niveau au-dessus du freestyle. Nous décernons les Podcast Science Awards. C'est-à-dire qu'en cette période de Noël et de rétrospective, de dinde au marron, il est maintenant coutume de faire notre prix à nous, c'est-à-dire les Podcast Science Awards édition 2014, mais en fait c'est pas grave si ça date d'avant 2014, que tout le monde appelle déjà les PSAMEFCPGSCDA, pour faire plus simple. Ce prix est le fruit, comme d'habitude chez nous, d'un long travail, d'une longue année mercurienne. Nous avons épluché tout ce qui avait marqué l'année 2014 et nous avons sélectionné plusieurs candidats et, comme toute association dictatoriale qui se respecte, nous avons désigné un et un seul vainqueur sans laisser aucune discussion possible. Alors, comme l'an dernier, on va faire un peu de participation à notre chatroom, même si pour l'instant il n'y a pas grand monde, mais il y a les meilleurs. C'est qu'il y a plusieurs awards qui vont être décidés au vote du public. Et seulement eux qui vont revenir sur nos émissions, et c'est pour ça qu'on vous fait voter. Donc, pour tout ce qui est des awards à décision du public, on a d'abord l'award de l'invité le plus passionnant. Alors, cette année, nous avons eu trois invités. Nous avons eu... Alors, quand je dis invité, attention, hein, c'est les invités interviewés, genre les grands professeurs, tout ça. Les gens qui ont fait des dossiers dans le podcast, on y vient tout de suite. On a Nicolas Grandjean qui nous a parlé des LED. Ensuite, tu peux changer de matériaux. Aller par exemple vers de ce qu'on appelle du phosphure de gallium, tu remplaces l'arsenic par du phosphore, et ça c'est les petites LED vertes que tu as devant toi là qui clignotent. Effectivement. Voilà, donc ça c'est gallium et phosphore. Et puis, si tu changes encore le phosphore par de l'azote, tu as du bleu, violet en fait, tu as du violet, typiquement à 3 électrons volts. Donc c'est, tu vois, c'est très très simple, tu vas jouer, c'est comme des Legos, tu vas jouer avec ces éléments de ta classification périodique, machin, et tu vas les assembler comme des Legos, et tu vas jouer avec cette séparation entre les différents niveaux d'énergie. Donc voilà, un excellent épisode. De toute façon, tous les trois sélectionnés là ont eu des excellents retours, donc le choix va être très dur. Ensuite, nous avons le professeur Sellos sur les limaces transgéniques, donc sur une question qui nous avait été posée sur les limaces transgéniques. On se rend compte de plus en plus que nous sommes un écosystème bactérien, c'est-à-dire qu'on est peuplé de plein de bactéries. Alors effectivement, dans le tube digestif, mais aussi dans tout un tas de cavités, la bouche, les oreilles, le nez, le vagin, et aussi sur la peau. Alors il y en a un petit peu moins, mais comme elles sont toutes petites, elles se cachent bien dans les crevasses de la peau. Au total, on a à peu près 10 puissance 14 cellules, donc on a beaucoup de cellules, voilà. On a à peu près un tout petit peu moins, 10 fois moins de bactéries sur la peau, mais autant de bactéries que de cellules humaine dans le tube digestif. D'accord. Ça fait du monde. Hein. Ouais. On comprend aujourd'hui comment, on découvre petit à petit comment ces bactéries qui sont présentes un peu partout structurent nos fonctions. Ça faisait longtemps, moi j'ai appris ça dans mes études, qu'on savait qu'une partie de la digestion, et notamment une partie des vitamines que l'on a dans le tube, qu'on peut ingérer, sont liées aux bactéries. On comprend de plus en plus comment elles défendent l'organisme, comment elles empêchent des pathogènes de s'installer sur la peau, comment elles empêchent des pathogènes de s'installer dans le tube digestif. Et maintenant, ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'en fait, le développement, la croissance, le développement de nos organes, le développement de notre cerveau, on le comprend surtout à travers des souris, parce qu'on peut faire des expériences dessus, mais en fait, on a de bonnes raisons de penser que c'est pareil pour l'homme, est construit par la présence de ces bactéries. Donc même quelque chose comme le développement, la maturation de l'organisme pour faire un adulte, est quelque chose qui est co-construit par les capacités génétiques qui sont à l'intérieur d'un organisme comme l'homme et les bactéries qui le colonisent. Et enfin, Sylvie Tissot, qui donc nous avait parlé des ordinateurs quantiques. Concrètement, pour essayer d'imaginer de fabriquer un ordinateur, comme il va falloir faire des transferts de données entre les différents composants de l'ordinateur à construire, on peut imaginer utiliser la téléportation pour transférer des états d'un état à l'autre, enfin d'un endroit à l'autre de l'ordinateur. Et voilà, donc c'est au choix du public. Je pense qu'on va vous laisser voter là quelques temps, le temps du début, et puis on va décider après, parce que comme vous n'êtes pas très nombreux, on va peut-être pas attendre la fin de l'émission pour rapatrier les votes. Voilà, une préférence déjà autour de moi ? Ou c'est tabou de donner une préférence ? En fait, moi j'ai une préférence parce qu'en fait, il n'y en a qu'une sur les trois que j'ai vraiment écouté. C'était laquelle ? Mais c'était vraiment très très intéressant. Non, c'était... C'était Célos. C'était Célos. En fait, alors Sylvie, j'ai écouté, mais sauf erreur, j'étais en train de préparer le teaser que j'avais pas du tout préparé, je devais te dire à la fin un truc du style. Donc j'ai écouté d'une oreille très distraite. Moi, je vote pour Nicolas Grandjean. Les diodes. Moi, j'ai découvert plein de trucs avec le professeur Célos qui m'a un peu... Ça me perturbe encore tout ce qu'il a dit. Moi, j'ai bien aimé le professeur Célos aussi. J'ai bien aimé les trois, mais... Mais les trois étaient très bien, ouais. Ouais. Donc en plus, moi, le Célos, alors encore une fois, j'ai pas assez de comparaison avec les autres, mais disons que c'est un sujet que je... C'est un continent que je découvre, quoi. C'est un thème que j'ignorais, quoi. Carrément, j'ai l'impression, par rapport au reste. Bon, ben, si je ne m'abuse, pour l'instant, on a deux votes pour Nicolas Grandjean et un vote pour le professeur Célos dans la chatroom. Si on ajoute nos votes à nous, ça doit faire à peu près égalité, donc nous verrons un peu plus tard. Cette année aussi, donc, ça a été marqué par des invités tout à fait passionnants, mais aussi et surtout par des dossiers de contributeurs extérieurs. Alors j'espère que j'en ai pas oublié, il y en a eu un sacré paquet. On a eu d'abord, alors je crois que c'est pas dans l'ordre chronologique, quoique, on a eu d'abord Olivier Simard Casanova, que nous appelons chez nous Olivier Smicard Casanova, qui nous a parlé d'économie. Pas d'extrait cette fois-ci. On a eu Billy, qui nous a parlé de la vie, quoi, du sexe, de la génétique et de la mort. On a eu LJJ qui nous a parlé de topologie. Là, je pourrais pas vous en dire plus parce que personne n'a rien compris à ce dont il parlait, mais ça avait l'air cool. Oui, je fais semblant. Et on a David Lorero qui est venu deux fois nous parler de simulation numérique. Et enfin, Nima qui est venu aussi deux fois nous parler d'abord des vaccins et puis des médecines alternatives. En gros, qui a juste centralisé vers lui tous les trolls qu'on pouvait avoir sur notre site web. Et on a pas eu les OGM aussi ? Alors ça, les OGM, j'ai fait exprès de pas le mettre dedans parce que c'était pas vraiment un dossier, c'était de la discussion. On a eu aussi de la discussion sur de la SF. Ah oui. Donc j'ai plus mis façon dossier sur les discussions. J'ai laissé un peu de côté parce que c'est très différent, je trouve, au niveau approche, quoi. Mais en effet, on a eu des dossiers sur la SF. On a eu une discussion sur les OGM qui est un peu limite, qui était un peu entre les deux. Parce que Nima, en fait, je trouve que ça se rapproche beaucoup plus du dossier au niveau contenu, mais c'est très discutable, quoi. De toute façon, c'est arbitraire, il me semble. Oui, tout à fait. On a eu la classification des sciences aussi. Et on a eu la classification des sciences qui, pareil, était un peu plus en mode de discussion, quoi. Donc, en tout cas, le choix dictatorial se fait entre Olivier Simard Casanova, Billy. Non, mais elle a fait trois dossiers. Ouais. Billy. Mais elle a qu'une voix ou il y a une pondération ou quelque chose ? Non, elle a qu'une voix. Il n'y a pas de voix, de toute façon, on peut voter pour elle. Mais comme elle fait partie de l'équipe, de toute façon, elle ne pourra pas gagner. Si c'est elle qui gagne, on fait gagner le deuxième. Donc... Ok, ça marche. LJJ, qui est dans la chatroom, je pense qu'il peut voter pour lui, il a le droit. Il a suffisamment eu de malheur au Golden Globe. Il a déjà voté pour lui. Il a déjà. D'ailleurs, s'il gagne, il fait partie de l'équipe, il ne le sait pas encore. C'est ça, celui qui gagne. Et puis David Loero et Nima. Voilà, bon, on peut passer donc au vrai Podcast Science Awards, c'est-à-dire ceux décidés arbitrairement par nous, c'est ça ? Ouais, attends, on peut peut-être remonter un statut sur le vote précédent depuis la chatroom. On a eu beaucoup de Nicolas Grandjean encore. Ouais. Un Michel Patulacci créé pour la circonstance qui est venu voter pour Nicolas Grandjean et qui a disparu. Oui, je vois. Genre de la triche. Bon, en gros, je crois qu'on peut dire que Nicolas Grandjean et le professeur Séance soient à égalité ou il y a vraiment Nicolas Grandjean qui se détache parce que là, ça sert à rien d'attendre la fin de l'émission. Hein. Dire qu'ils sont à égalité. Bon ben voilà, donc le podcast Science Award du meilleur invité sont remis à égalité à Nicolas Grandjean et au professeur Sélos. Et la bonne nouvelle, les enfants sont merveilleux. La bonne nouvelle, c'est que Nicolas Grandjean va revenir, si je dis pas de bêtises. Ouais, faut juste qu'on fixe la date, mais il nous parlera des lasers la prochaine fois. Et le professeur Sélos, rien de prévu pour l'instant, mais en tout cas, Topo a prévu de nous ramener d'autres invités aussi passionnants que lui, donc on devrait remettre ça, quoi. Par contre, pour le meilleur contributeur de dossier, je crois que ça va être compliqué parce que la plupart des contributeurs sont dans la chatroom. Donc on va peut-être attendre que Billy vienne voter pour elle. Non, mais Billy, elle peut pas voter, elle fait partie de l'équipe. Soyons clairs. Bah, c'est comme ça. Du coup, c'est Nima ou Olivier parce que les deux autres sont dans la chatroom. Ouais, ça marche. Bon, enfin, avant de passer à ça, nous avons donc l'award de la plus belle incompréhension au sein du podcast. Ils sont sélectionnés. Irène, qui prépare un dossier sur le sang pour Interstellar. Billy, qui est persuadé qu'elle n'est toujours pas membre de l'équipe. Nico, qui est toujours incapable de situer géographiquement les autres. Et Alan, qui est toujours persuadé qu'il a quitté le podcast. En honneur à notre ancien dictateur, je te laisse décider, Alan. Écoute, moi, je suis assez fan d'Irène qui prépare un épisode sur le sang quand tu lui demandes un truc sur Interstellar. J'avoue, ouais, elle est tellement motivée. Donc voilà, le award de la plus belle incompréhension du podcast revient à Irène. Qui prépare un excellent dossier sur le sang pour Interstellar. Félicitations, Irène. Alors sinon, nous avons le award de l'enregistrement le plus original. Donc sont sélectionnés le CERN, donc où nous avons enregistré une émission avec son énorme accélérateur de particules, le LHB. L'enregistrement avec Boson que nous fait chaque semaine Robin depuis chez lui. L'enregistrement qu'on a eu dans l'appartement vide de Julie. J'ai pas dit de bêtises, hein, Julie, il y a bien une fois où t'as enregistré dans un appartement totalement vide. Ouais, j'ai pas enregistré, mais j'étais chez moi dans l'appart vide. Ça résonnait un peu, je crois. Et enfin, l'enregistrement que nous a fait Alan en plein milieu de nulle part en Australie. Le lauréat reste malgré tout à la décision unanime, enfin de moi quoi, le CERN. Je sais pas si vous êtes d'accord les autres, hein, mais bon, globalement ça a été un peu exceptionnel de pouvoir enregistrer là-bas. Bah, moi je suis pas d'accord, j'y étais pas. Mais toi ça t'intéresse pas. Par choix. Toi t'étais à Alésia pendant ce temps, on sait même pas où c'est Alésia. Toi t'as dit c'est con, on aurait été un moment intéressant, je serais venu quoi. Pour le award suivant. J'appelle Johan. Donc c'est sur les messages What the Fuck qu'on a reçus par audio sur SkipPipe. Donc le premier c'était sur un vieux dossier sur les maladies qui peuvent expliquer le mythe du vampire. Bonjour, alors nous voulions vous remercier de cet article très complet qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur l'origine des vampires. Et nous souhaiterions une même sorte d'article pour les loups-garous et les ghouls et les zombies. Voilà, c'est très intéressant. On a pu apprendre beaucoup de choses sur trois maladies très intéressantes et très étranges qui sont la porphyrie, la rage et la tuberculose. Merci. Sélectionné suivant, c'est un message très what the fuck. Je voudrais savoir à quoi peut vous servir ce message. Celui-là est extraordinaire. Et voilà, et donc la réponse c'est ce soir. Il n'y aurait pas ce prix-là sans ce message. Et le troisième. Dans les ténèbres, je marchais sans but. J'étais loin du père, on se montait perdu. La ville est venue, me prit par la main. Me dit viens, suis-moi, je te donne la vie. La joie est venue, m'a inondé de tous mes péchés. Je suis libérée, si je chante aujourd'hui, c'est pour en témoigner. Oui, selon Jésus-Christ, je suis libérée. Toi, mon ami, ne veux-tu pas l'accepter? Sais-tu combien il t'aime? Ne l'as-tu pas trouvé? Des souffrances au calvaire, son immense agonie, abandonné du Père, supportant tes péchés. Franchement, sur les messages, il y a combat, quoi. Tellement. Bon, en parenthèse, merci à Pascal Metz qui nous a redéniché ce message. On l'avait oublié, mais c'est vrai qu'il vaut vraiment son pesant. Globalement, excusez-moi, je ne sais pas qui dit on l'avait oublié, mais je ne l'avais absolument pas oublié. Merci de t'avoir mis dans le conducteur, Robin. Qui nous dit que Shazam ne reconnaît pas. Et donc, je suis en train de chercher, ouais, mais je me demande, c'est pas une traduction d'une chanson américaine en fait. Et donc le vainqueur, Joanne. Pour moi, c'est vraiment le deuxième là, qui est auto-référent. Là. Moi, j'adore, moi. Sam. Le message qui demande à quoi il peut bien servir. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Parfait. Du coup, nous passons à l'award du plus beau cadeau fait par un auditeur. Donc là, c'était assez serré. Dans les sélectionnés, nous avons le Minitel de Robin, qui n'est pas encore venu chercher, mais ça ne saurait tarder. Le micro de Pierre, offert la semaine dernière, hein, in extremis pour les Podcast Science Awards, par George McKee à Pierre. Et puis, de manière plus générale, une sorte de prix global, les dons de nos auditeurs chéris, et donc, par exemple, de la table de mixage et des micros qu'on utilise maintenant chaque semaine, sauf cette semaine, vu que je ne suis pas sur Paris. Alors, ça a été très dur à sélectionner. Les dons, bien sûr, avaient un gros avantage, mais on doit dire que le Minitel de Robin, avec tout le charme d'aller chercher ce vieux truc et de ne pas savoir quoi en faire, a gagné le prix, quoi. Ça vous va, les autres, comme choix arbitraire de prix ? Absolument pas. Je suis complètement contre ce prix. Alors là, vraiment... Tu l'as pas vu encore ? Non, je l'ai pas vu encore. Mais moi, je suis pour les prix des auditeurs, des poditeurs, des gens qui donnent des, qui peuvent vraiment nous servir à nous... À boire des bières, par exemple, tu vois, enfin, des trucs... important, quoi. Un Minitel qui peut faire des tweets, ça devrait pouvoir s'arranger quand même. Ouais, alors ça, bon courage. Hein. T'imagines, franchement, tweeter sur le compte 3615 Robin depuis un Minitel. L'appel est lancé aux auditeurs. Je sais pas si on était assez clair, hein, mais si quelqu'un est capable de bricoler un Raspberry Pi ou quelque chose pour qu'on puisse tweeter depuis un Minitel, ce serait vraiment grandement apprécié. On passe à l'award suivant. Donc, c'est l'award du membre de Podcast Science dont la réponse au quiz est la plus prévisible. Sont sélectionnés. Vas-y, Tup, je te rends la parole. Alan avec ses intox, Julie avec ses infos, ou Nico qui n'en fait pas. Alors, je ne sais pas qui a décidé quoi, mais personnellement, je serais assez pour Nico qui n'en fait pas, parce que ça, c'est vraiment une valeur. Ouais, pareil. Ouais. Bande de râleurs. Le lauréat, c'est Julie. Non, mais c'est moi qui ai décidé de trois barres. C'est clair que c'est beaucoup plus facile de trouver la réponse quand il n'y a pas de question. Ça, c'est... Bref, le lauréat, c'est Julie, point barre. Julie, parce on passe à la suite. Ok, donc, qu'est-ce que tu nous as mijoté comme award après ça ? Alors, comme c'est une tradition depuis l'an dernier, l'award de la fin du monde qu'on a encore loupé en 2014. Donc, j'ai vraiment été chercher des vraies prévisions de fin du monde. Sont sélectionnés les Mayas qui se seraient en fait trompés dans leurs calculs, c'était pour cette année. Un nuage d'acide formé à partir d'un trou noir fonçant depuis le centre de galaxie vers nous. Ou Nabila en prison. Donc, c'est trois vraies prévisions de fin du monde. Et le lauréat, c'est les Mayas qui se seraient encore trompés. C'est quand même fun qu'ils se trompent tous les ans, ce serait assez sympa. D'accord. Et puis autrement, tu vas sûrement me traiter de vieux con, mais quel lien entre Nabila en prison et la fin du monde ? Bah, c'est comme l'an dernier, l'arrêt de la musique de Justin Bieber, je crois qu'on l'avait mis dans les sélectionnés. Ouais. Et là, Nabila qui sera en prison, on n'aurait plus rien d'intéressant à regarder à la télé, etc. Quoi. C'est la fin d'un monde, quoi. Non, moi je réclame Nabila, hein, franchement. Hein. Regarde, elle est connue outre-Atlantique, Nabila. Je m'identifie carrément à Nabila et il nous la faut sur les ondes. Donc Irène s'identifie à Nabila, c'est bien noté. Je vais réutiliser ce son pour le générique de l'émission. Non. Il nous manquait quelqu'un pour le prochain freestyle, non ? C'est ça, vrai. Ouais. Attends, si vous pouvez nous avoir Nabila pour un freestyle, moi je prends. Je suis en contact ? Elle est en prison là, c'est un peu dur. Non, elle est sortie. Ah ouais, donc t'es vraiment au courant. Moi je faisais genre en mode discret, on va arrêter de parler, mais madame est au courant, ok. Ah mais je suis les informations de Nabila de très près. Très bien. Non mais allô. Elle a une Google Alert sur Nabila. On a FG dans la chatroom qui a arrêté de regarder la TV depuis l'arrestation de Nabila. Tu te souviens, Alan, de cette époque où on nous prenait pour un podcast sérieux? C'était sympa, hein. C'est pas, je te remets les clés de la baraque. C'est ça, voire même avant que j'arrive. Nous passons à l'award de l'animal le plus dangereux auquel a échappé Alan au pays des 1000 animaux mortels. Sont sélectionnés le taipan, le serpent le plus venimeux du monde, La pieuvre des aux anneaux bleus, une pieuvre venimeuse pour laquelle on ne connaît pas d'antidote. Le casoar, un oiseau qui peut vous éventrer d'un coup de patte. Ou le drop beer, ce gentil koala avec des dents acérées qu'on a vu il y a quelques semaines. C'est pas une bière, c'est un... la bière. Qu'est-ce qu'il y a? Non, drop beer, la bière. Bon. Et donc le lauréat est le drop beer. Tu peux nous parler du drop beer, Alan? Non, on a déjà assez parlé, c'est bon. On n'en parlera jamais assez, c'est quand même dangereux. Il faut prévenir les gens qui vont en Australie. Ouais. Il faut surtout les éduquer, faire en sorte qu'ils vérifient leurs sources systématiquement, qu'ils ne croient pas n'importe quoi, contrairement à... Mais tu ne vérifies pas ta source au moment où on t'en parle autour d'une bière dans un bar. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut rester sociable. Surtout une drop bière. C'est un bon moyen de tromper l'ennemi. Bon, comme il en faut pour tout le monde, nous passons à l'award proposé par Robin. Ouais, alors moi j'ai appelé ça des prix, hein, je suis désolé. Hein. Mais prix de la chanson ou du morceau à propos de science. J'ai glané sur plusieurs années, puisque a priori, vous n'en avez pas parlé l'année dernière, je ne crois pas. Et qu'il y a un nouveau candidat de toute façon cette année, de toute évidence. Donc il y a comme morceau les décimales de pi passées en base 12 que j'ai passé dans le dossier sur les cristaux, pour ceux qui ont raté ça. Il y a la chanson qui a pas mal fait parler d'elle sur la théorie quantique en s'appuyant sur les paroles, sur la musique de Queen de... je vais y arriver. J'ai oublié le titre. Aidez-moi, vous voyez le... ça devait être... Ouais, Bohemian Rhapsody, voilà. Et donc, il y a quelqu'un qui a parlé quand même de la théorie quantique. J'espère que tout le monde se rappelle de ce morceau-là, qui était quand même très beau. Il y a le rap du LHC, et il y a évidemment la chanson Boson de Puyo, pour laquelle, en l'occurrence, j'ai évidemment un grand faible, mais je ne sais pas si vous êtes de mon avis. De toute façon, c'est toi qui décides tout seul du lauréat. Ah, c'est moi qui décide tout seul. C'est dictatorial, les lauréats. Vous n'avez pas envie de voter? D'accord, bon, bah alors dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Moi, je vote pour Boson de Puyo, que j'ai encore régulièrement en tête. Pour ceux qui ont oublié cette chanson, à réécouter le freestyle où Puyo était invité. Et c'était le début de l'émission. Donc, je ne l'ai absolument pas sous la main puisque je n'ai rien préparé. Et bien sûr, Alan. Boson, boson de X, tu erres dans l'espace, tu es grave à la masse, le but elle t'a plaqué. Boson de X, elle t'a largué pour un graviton, ou c'était peut-être un exciton de faible interaction. Boson de X, tu voulais finir tes jours, finir d'être ridicule dans un accélérateur de particules. Boson, boson de X, il faut bien se reconstruire avec un paquet de gluons. On sort vite d'une dépression. Solo du LHC. L'intrication quantique, c'est bien sympa. Boson de X, tu fais une cure à la campagne. Faut savoir prendre du bon temps en vadrouillant au milieu des champs de X. C'est émouvant, une chanson pour ta fille, Robin. C'était très beau. J'adore. Et alors que je m'en fous du boson en plus, c'est ça qui est... Et tu dis ça devant ta fille. Oh. C'est moche. On va t'obliger à t'intéresser à Boson maintenant. C'est ça classe. Ça être un standard un peu quand même, je trouve. Quand on invite un invité dans un freestyle, on devrait lui rappeler que Puyo est arrivé avec une chanson. Oui, c'est ça. Alors, maintenant on passe à l'award du placement de pub éhonté, qui est un award qui est une nouvelle version de l'award de l'an dernier, donc c'était déjà un award présent l'an dernier. Sont sélectionnés Billy qui fait la pub pour son blog à chaque fois qu'elle vient, Nima qui fait la pub pour son blog à chaque fois qu'il vient, moi-même qui fait la pub pour mon blog parfois, ou la pub pour la Science of Interstellar, dont j'ai pas cessé de vous parler pendant plusieurs épisodes et dont David Loureiro vous a parlé aussi. Et le lauréat est forcément... On peut parler aussi de la pub éhontée, que c'est pas l'auteur qui le fait, mais nous, je veux dire, nous on a quand même fait une pub éhontée scandaleuse pour LGJ. On peut le dire maintenant. Ah, c'est vrai, j'avais oublié LGJ, donc ça change complètement les votes. Attention, vote de la hiérarchie, de la direction, attention. Et le lauréat est Science of Interstellar, donc par Nicotude David et tout ça, où on en a cru que j'avais des actions pour ce bouquin. Et je vous invite toujours à le lire. Ensuite, pour enchaîner rapidement sur les awards un peu moins importants, on a l'award du film ou de la série où les pixels noirs ont coûté le plus cher de l'histoire du cinéma. En sélectionné, nous avons Interstellar, Orange is the New Black, bah quoi, il y a Black dedans, il fallait bien remplir, ou Cosmos, le documentaire qui est un remake du documentaire de Carl Sagan. Et le lauréat est bien sûr Interstellar, dans lequel on peut voir un énorme trou noir qui a coûté une fortune et qui pourtant n'est que quasiment noir. Moi, je dis que les dés sont pipés. Pourquoi j'étais sûr à l'avance que ce serait Interstellar? Non, en fait, ça aurait pu être Cosmos. Quand je l'ai rajouté, je me suis dit que ça aurait pu être Cosmos, mais il n'y a qu'un épisode dans lequel on voit un trou noir. Mais bon, c'est l'occasion de parler des deux, en tout cas, et de parler d'autre chose si vous en avez envie. Et surtout, peut-être, de rappeler que Cosmos est un super documentaire qui est en vente depuis quelques mois maintenant en DVD. Oui. Donc, le prochain award, c'est l'award de la plus improbable excuse d'Irène. Une fois dans les awards, précisons que c'est un vrai, c'est de l'officiel, il n'y a rien d'inventé. Non, mais... Alors là, c'est pas cool parce que vous m'avez pas dit que vous alliez faire ça. Donc Joël, je te laisse y aller. Alors, ça c'est dégueu. Je me suis coincé dans un labo ultra secret du gouvernement à cause du mauvais temps. Je me suis retrouvé à Tel Aviv sans ordi, mon fils s'en est servi la veille du soir de mon départ. Bon, eh bien, mon fils de 14 ans vient de se casser le deuxième poignet en skateboard en allant à l'école. Je vais au Brésil pour installer un microscope. Et le dernier, quand même, qui est quand même super classe. Je suis prêt du Machu Picchu. 3 points d'exclamation. Bon, on précise que c'est... toutes ces excuses sont authentiques. Hein. Ah, mais ouais. C'est issu de vrais mails. Oui, et je ne mens jamais, enfin presque jamais. Donc il n'y avait aucun mensonge là-dedans. Aucun. Et encore, on en a sélectionné, il y en avait d'autres. J'ajouterais quand même, j'ai pas trouvé le lien sur le conducteur. On l'entend souvent. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et quand même, pour être honnête, je rajouterai quelques excuses d'autres personnes. Alors évidemment, c'est moins frappant parce que c'est pas des copier-coller là pour le coup. Mais il y avait le fameux, il y a encore du monde dans le labo. Chuchoté généralement par David quand il était encore parmi nous. J'ai pas encore de connexion internet et chez mes beaux-parents, c'est quand même pas super cool pour enregistrer l'émission. Je balance pas. Et à la fin, je m'auto-balance quand même avec l'excuse pourrie de je viens d'avoir une gamine, les gars, j'ai autre chose à faire. C'est une mauvaise excuse, faut reconnaître. Et donc, Johan, tu as élu qui lauréat de la plus improbable excuse d'Irène? Ah, c'est difficile quand même. Moi j'ai particulièrement aimé le deuxième poignet quand même. Hein. C'est ouais, celui qui m'a ouais, ah, oui. Moi celui-là j'ai bien aimé aussi, je te le dis. Mais c'est très triste, c'est ça, de fou. Oui. Parce que donc en fait il faisait du skateboard avec déjà un poignet cassé, c'est ça? Et oui, en fait c'est ça, c'est qu'il s'est, il s'est cassé une première fois le poignet, puis c'était un mauvais os en plus qui se soignait très très mal, et puis mais je l'ai quand même laissé faire du skateboard et il s'est cassé le deuxième, ouais. Donc pendant 4 mois il a eu 2 plâtres, ouais. Bon alors, sans transition aucune, on passe au quiz débunké auquel on n'arrive pas à croire quand même. Alors là j'étais assez étonné, finalement on n'a pas eu énormément de quiz cette année. On voit qu'il y a eu un peu du départ d'Alan là-dedans. Donc sont sélectionnés la transplantation fécale et les 5 fruits et légumes par jour. Donc pour rappel, la transplantation fécale, bah les deux c'était des infos en fait. Sachant que 5 fruits et légumes par jour, il y avait eu discussion sur le fait que c'était une info. Le lauréat, en tout cas pour moi, je ne sais pas si vous serez d'accord, c'est quand même la transplantation fécale. Où, même si on voit qu'il y a des preuves et compagnie, on n'a pas envie de croire que c'est vrai. Voilà, sur ce, on passe à un des awards les plus importants de ce soir, l'award de la meilleure annonce de départ d'Alan. Sont sélectionnés... J'ai adoré faire ce bout de chemin avec vous, Nico, David, Robin, Jeanne pour les blogs audio, et maintenant Julie, mais aussi Mathieu, Marco, Antoine, Lucille et tous les autres. Et même si mon retrait est la chose la plus raisonnable à faire, bah je vous avoue que c'est quand même un peu la mort dans l'âme que je me retire. Il va me falloir un peu de temps pour bien apprivoiser l'idée. Merci les amis, et bonne continuation. Et j'arrête là, sinon je me connais, je vais encore verser une petite larme. Et si certains de mes potes IRL écoutent, ceux à qui je dois toujours dire que j'ai pas le temps, ben sachez que je suis dispo pour une bière ou un café à votre meilleure convenance. J'ai hâte de voir comment ça fait d'avoir une vie. Donc, sans sélectionner le départ d'Alan sur la musique du Roi Lion qu'on vient d'entendre, l'émission suivante où il a dit non, je fais que passer, l'émission d'après où il a dit Derdéder, c'est parce que là il y a Billy, je suis obligé de venir, les émissions où il est passé en disant je suis là, mais je parle pas, je suis juste là pour aider la technique parce que ça marche pas, ou ses vacances en Australie où j'enregistre un message juste comme ça parce que c'est quand même super cool. Et Johan rajoute cette émission. Ouais, mais là il est pas en train de dire qu'il s'en va là. C'est petit quand même, les émissions où je suis pas là, mais je parle pas. Enfin, je suis là. Ouais, ça fait son charme, quoi. C'est notre genre, la dernière seconde, parce que t'étais pas foutu d'envoyer le broadcast, et puis voilà. Non, c'est ça, c'est que, à sa décharge quand même, c'est lui qui a permis de faire que le podcast se maintienne, malgré le fait qu'il partait, mais qu'en fait, on n'était pas encore complètement au point, etc. Mais bon, c'est... Non, mais faut pas le dire, ça, il faut pas le dire. C'était un clin d'œil gentil, en tout cas, le lauréat reste, à mon avis, l'Australie. Où on a reçu un message complètement improbable à un moment où, justement, pour une fois, tu avais réussi à complètement ne plus t'occuper du podcast. Quoi. Ouais, j'avoue, j'étais déconnecté complètement de l'Internet mondial pour la première fois depuis 20 ans, ça m'était jamais arrivé. Mais c'était pas mon idée, pour ma défense, c'était l'idée d'Adam d'envoyer ce petit message. Mais après, c'est LJ qui dit Alan est parti, point d'interrogation. Oui, il est plus là, merde. Je suis d'accord que le coup du Roi Lion, tout ça, rétrospectivement, c'était, c'était classe. Le Roi Lion, c'était bien quand même. Hein, ouais, mais en même temps, il. Mais c'était pour marquer les esprits, il fallait frapper un grand coup, sinon il se passait rien. Quoi. Même avec ça, tu n'as pas été foutu de broadcaster pendant les 6 mois qu'on suivit. Bah, il m'a fallu la table de mixage et apprendre à la manipuler, quoi. Bref, en tout cas, merci d'avoir resté les moments où on avait besoin de toi techniquement et d'être encore là pour nous ramener des super invités ou sujets d'émission, quoi. C'était un award d'amour, en fait. C'est chou. On passe à un award maintenant qui devient récurrent depuis tous les Podcast Science Awards que nous avons fait. C'est l'award du meilleur Ignobel de 2014. Donc j'ai fait une sélection tout à fait arbitraire des Ignobel que j'ai préférés. Il se peut que Johan en ait un de plus. On a d'abord un award de physique. C'est un Nobel de physique qui a été remis pour des gens qui ont étudié, qui ont mesuré la quantité de frottement entre une chaussure et une peau de banane et entre une peau de banane et le sol quand une personne marche sur une peau de banane posée sur le sol. Ah ouais, d'accord, ok. Ensuite, un Nobel en psychologie pour avoir démontré que les gens qui se lèvent tard sont en moyenne plus narcissiques, plus manipulateurs et plus psychopathes que les personnes qui se lèvent tôt. Que personne ne se sente visé. Ça fait du monde, hein, ça fait du monde. Ensuite, en art, pour avoir mesuré la souffrance relative des gens regardant une peinture horrible plutôt qu'une jolie peinture pendant qu'on leur envoyait un rayon laser puissant dans la main. Quelle idée! En médecine, pour le traitement des saignements de nez incontrôlables en utilisant une méthode consistant à farcir de tranches de bacon les cavités nasales. Attends, tu peux répéter ça? En médecine, pour le traitement des saignements de nez incontrôlables en utilisant la méthode consistant à farcir de tranches de bacon les cavités nasales. Ce que j'aime bien, c'est que c'est en utilisant la méthode et pas une méthode. Ouais, non, mais c'est bien connu, c'est la méthode des tranches de bacon. Et puis ça marche? J'ai pas été voir les résultats des études, mais celui-là, je crois qu'il va falloir que si ça marche, ça fera un beau quiz en tout cas. Alors, j'en ai quelques-uns qui sont rajoutés par Johan, du coup. Les sciences arctiques pour avoir testé comment les caribous réagissent quand ils voient des hommes déguisés en ours polaire. Ah ouais, pas mal aussi, ouais. Et la biologie pour avoir collecté des données précises montrant que quand les chiens défèquent et urinent, ils préfèrent aligner leur corps le long de l'axe du champ magnétique terrestre nord-sud. Ça, c'est quand même... Ah oui. J'en avais entendu parler de ça, ouais. Bon, reste que même malgré... c'est extraordinaire, ça, quand même. C'est hyper intéressant. Non, mais c'est hyper intéressant. Donc, rappelons que la personne qui dit c'est hyper intéressant, c'est le mec qui en a rien à foutre du boson et de la physique et de la science en général. Et quand on lui parle de chien qui chie, là, c'est bon. Ah, il s'est s'aligne sur le champ magnétique, c'est dingue. Et donc le lauréat, parce que j'avais lu tout cela même aussi, j'avais quand même décidé, mais vous pouvez me contredire, que le lauréat était attribué à la médecine pour justement cette méthode de contre les saignements de nez incontrôlables en farcissant de tranches de bacon les cavités nasales. Moi je suis d'accord, elle est excellente. Absolument. Ouais. Moi, j'ai envie de te contredire rien que parce que tu nous y as invité, mais quand même, je peux pas. C'est bien. Je suis d'accord. Donc, je vais tester la prochaine fois que je saigne du nez, je prendrai une photo, promis. Et il faut le faire cuire avant ou non? Personne n'a le protocole expérimental, en fait. Il faudrait qu'on le lise. Ouais. Quoi, parce qu'on rappelle que les études Nobel, en général, c'est des études publiées, hein, avec, dans des articles avec comité de lecture. Hein. C'est pas. Si c'est la science, tout ce qu'il y a de plus valide. Ouais, tout à fait. Robin, un award? Ouais, moi j'ai un prix auquel je tiens. Alors je sais, c'est de la provocation, mais c'est vrai. Prix de l'événement scientifique qui soulève le plus d'enthousiasme alors que je m'en fous complètement. Il y a le boson. Faut reconnaître que le boson, je sais pas pourquoi les gens s'enthousiasment alors qu'honnêtement personne ne comprend que dalle. Je dirais, les scientifiques sont en train de triper et de vous dire « Hey les gars, on a compris un truc, on a trouvé un truc de dingue, personne ne comprend ce qu'ils ont trouvé. » Objectivement, ils ont dû avoir juste un espèce de tout petit machin sur un écran d'ordinateur qui dit « ça existe un truc que eux ont dit que ça allait exister, mais personne ne comprend vraiment ce que ça veut dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. » Donc je comprends pas pourquoi les gens s'emballent pour ça, alors que quand on dit en mathématiques, on a démontré avec une conjecture de Poincaré, ce que personne ne comprend non plus, je suis bien d'accord, mais là, ça ne soulève pas l'enthousiasme des foules. Du coup, ça me vexe. Je ne vois pas pourquoi on est plus enthousiaste sur le boson de Higgs alors que c'est tout aussi abstrait. En fait, c'est ça, c'est que t'es quel aigri, quoi. Mais non, on comprend rien, personne ne comprend rien, et il y en a. Non, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Il suffit que ce soit des physiciens avec une grosse machine qui disent on va trouver un truc de dingue, et tout le monde trouve ça génial. Alors que les autres trouvent des trucs vachement bien aussi, mais tout le monde s'en fout. Je dis les matheux, mais ça peut aller ailleurs. Tout le monde est choqué du sort que tu attribues à ta fille. Hein. Ils ont un putain de service de com, c'est tout ce que je voulais dire. Non, mais attends, ils ont communiqué ça en Comic Sans, Robin. La découverte du boson a été communiquée n'importe comment. Non, tu peux pas attribuer ça au service de com. Sans déconner. Moi, perso, je comprends rien, je comprends jamais rien, donc ça me gêne pas, mais bon. Je comprends pas pourquoi cet emballement, objectivement. Il y a Puyo qui te dit, mais enfin, le nom est super. Ouais, le nom est super. Ouais, non, le nom est super, je suis d'accord. Alors, sinon, il y a évidemment Philae, hein, je la comète, là, je comprends pas pourquoi les gens s'emballent là-dessus non plus. J'arrive pas à. Enfin, je trouve ça vachement plus impressionnant un avion, j'ai toujours trouvé ça très impressionnant. C'est fou. Ça bat pas des ailes et ça tient en l'air, c'est dingue. Enfin, je sais pas. Je voudrais quand même faire une spéciale mention pour Philae. C'est la com de l'ESA qui a quand même été au top et que d'ailleurs tout le monde pensait que c'était la NASA qui faisait la mission, tellement ils avaient fait de la bonne com. C'est vrai, c'était super. Enfin, bon, bref. Je trouve ça toujours très surprenant que tout d'un coup il y ait des trucs qui pour lesquels tout le monde s'emballe comme ça. Et puis alors, il y a un truc aussi, alors ça, il faut vraiment que je le dise. Le truc, parce que ça m'énerve, il y a encore un Français qui a réussi la médaille Fields. C'est encore un Français, enfin je veux dire, il s'appelle Alto Avila. Il est quand même vachement français. Le dernier Français qui avait eu la médaille Fields, il s'appelait Ngo Baosho. Et donc voilà, la nationalité des mathématiciens qui ont la médaille Fields, clairement on s'en fout. Parce que de toute façon, ils travaillent à peu près dans 15 pays en même temps. Ça n'a aucun sens. Pour ceux qui découvriraient Podcast Science, donc, voici Robin qui n'en a rien à foutre de la physique et qui a un poil de racisme dans ses propos. Ah non! Enchanté! Quand il fait des podcasts de maths, c'est très bien. C'est juste de l'anti-cocorico parce que ça m'agace à chaque fois qu'on dise encore un français. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, les scientifiques et les mathématiciens, ce sont des gens qui passent leur temps à passer d'un pays à un autre, etc. Et tout d'un coup, parce que quelqu'un a travaillé en partie en France, on va dire « Ah là là, c'est génial, c'est encore un français et tout ». Je veux dire, c'est absurde. Enfin, se réjouir de ça, ça me paraît complètement débile. Mais non, c'est de l'antinationalisme, c'est pas du tout du racisme. Bon, et tu remets ton award à qui, du coup? Oh, je le remettrai au boson, quand même, très très nettement. Très très nettement, je comprends pas cet emballement. Je veux dire, concrètement, les gens, qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont compris de ce qui a été trouvé? Pourquoi ça les enthousiasme? Vraiment, je comprends pas. C'est la compassion pour ceux qui ont trouvé, ils sont vachement contents. Hein. Mais oui, mais attends, on peut avoir de la compassion, enfin, on peut avoir de pour plein d'autres choses. De l'empathie, ouais. Mais on peut en avoir pour plein d'autres choses. Des gens qui trouvent des trucs qui les enthousiasment, il y en a tous les jours. Je n'arrive pas à comprendre. Et Robin, ça fait quoi? Ça fait 5000 ans, quelque chose comme ça, qu'on a inventé un moyen de transmettre un patrimoine culturel aux générations suivantes à travers l'écriture. On se rend compte depuis ce moment-là que savoir qui on est, d'où on vient, dans quel univers on vit est une obsession qui nous fascine, qui fascine les humains depuis toujours, au moins depuis qu'on a une trace. On a même des traces de ça avant l'invention de l'écriture. Puis là, on a enfin des moyens d'apporter des réponses à ces questions qui ne sont pas du bullshit, qui sont issues d'observations. Moi, honnêtement, même si je ne comprends pas tout, je suis très emballé par tout ça, parce que je suis ému, parce que je trouve formidable qu'on ait enfin des réponses à ces questions-là. Non, mais je évidemment que j'en rajoute et que je fais de la provoque, mais c'est juste, c'est quelque chose... Enfin, je trouve que c'est un côté... Enfin, on en a parlé vraiment partout, quoi. On en a parlé vraiment partout, et je trouve ça très surprenant qu'il y ait un truc comme ça dont on parle partout, quand il y a de la recherche scientifique quand même avec des choses très impressionnantes qui sont trouvées tous les jours, enfin pas tous les jours, mais très régulièrement. Non, mais, le fait qu'on ne parle pas assez du reste, ça je suis totalement d'accord avec toi. C'est plutôt ça finalement, c'est plutôt cet aspect surcommunication tout d'un coup sur un truc... Mais genre, Nabila fait la une des journaux pendant ce temps, ça ne s'est pas posé un problème. Mais... Ah non, mais je trouve ça très très bien que la science fasse la une des journaux de temps en temps, il n'y a aucun problème. Mais alors cela dit, j'ai réussi à passer à côté des informations sur Nabila à part chez vous. Quoi. Enfin, je veux dire, vous êtes les seules personnes que j'ai entendu parler de Nabila, c'est ça qui est génial. On a une spécialiste en l'occurrence. Ah bah voilà, vous assurez. Non mais moi, je me disais aussi, même la théorie d'Einstein, E égale MC carré, je veux dire, il y a combien de gens qui comprennent ce que ça veut dire, pourtant regarde comment c'est utilisé, quoi. C'est dans le sens, dans le genre marketing, c'est pas mal aussi, hein. mais n'empêche que les gens ont une idée de l'impact que ça peut avoir. Hein. Non, puis que les gens s'y intéressent et veuillent creuser, il n'y a aucun problème, hein. Enfin, au contraire, je trouve ça très intéressant et très très bien. Là, je trouve que ça fait un truc juste, pas un mot, et tous les gens sont super contents parce qu'on cherchait le boson et on a trouvé le boson, et qu'est-ce qu'ils en ont retenu de plus que ça, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a l'image de la science et de ce que ça représente pour les scientifiques, je sais pas, je pense que combien de personnes ont creusé ce que ça pouvait vouloir dire. Alan, quand tu dis je comprends pas grand chose, je sais quand même que t'as creusé et que t'as compris des trucs et que tu vois à peu près vaguement, enfin tu t'es intéressé un peu à creuser les choses. Je pense que la plupart des gens qu'on a entendu parler et qui se sont enthousiasmés dessus, ils ont juste dit oh là là, ça faisait longtemps qu'on cherchait un truc qui s'appelait boson et on a trouvé le boson. Et je trouve ça assez curieux, quoi, de s'emballer pour ça. Voilà, enfin, on leur dit de s'emballer, ils s'emballent, quoi. Après, soit dit en passant, sans faire une transition honteuse vers la rubrique suivante, pour une fois que des médias vont s'emballer vers une vraie découverte scientifique, ça peut être pas mal, quoi. Ah ouais, tellement. Ah oui, non, mais ça je suis bien d'accord. Mais cela dit, je veux dire, en plus, moi, je me sens pas du tout en mesure de juger, mais il y a des choses, des fois, où les médias s'emballent pour des choses qui, pour le coup, vraiment... sont scandaleuses pour les scientifiques, c'est-à-dire que ne sont pas des nouvelles pour les scientifiques, ne sont pas des événements pour les scientifiques. Il y a eu, et je le compare pas au boson, hein, mais il y a eu le fameux chercheur, là, le fameux mec hyper médiatique qui a dit j'ai décrypté tout l'ADN, tout ça machin, qui a fait une grosse annonce fracassante. Clairement, les scientifiques disaient c'est une non-information, ça a fait la une des médias de la même façon. Il y a régulièrement des gens qui disent ça y est, je sais comment les Égyptiens ont construit les pyramides, ça fait la une des médias. Il y a des trucs comme ça qui tombent régulièrement, et finalement je pense que pour beaucoup de gens, et c'est fâcheux, et c'est parce que ça manque de culture scientifique, qu'on manque de culture scientifique dans nos sociétés, etc. Mais je sais pas s'ils font la différence entre les deux, quoi. Alors Robin, tu m'offres une transition toute trouvée vers l'award suivant, qui est l'award du journalisme scientifique pourri. Donc pour ma part, j'ai pas fait grand chose pour préparer cette émission. Ça me plaît beaucoup. Ouais. j'ai pas fait grand chose pour préparer cette émission. Je voulais reprendre la tradition de l'année dernière, puisque comme ça a eu lieu une fois, il y a déjà une tradition, et décerner un podcast science award du journalisme scientifique pourri pour une nouvelle découverte du chaînon manquant qui remettrait en question l'évolution, ou la découverte d'un boson qui remettrait en question l'univers. Je parle de la manière dont c'est présenté, hein, pas de la découverte elle-même. Alors, soit Pujadas s'est bien tenu cette année, ou alors France2.fr est super mal référencé sur Google. En tout cas, j'ai pas trouvé. Mais en fouillant, j'ai trouvé cette petite perle de la RTS, donc la radio-télévision suisse, un combo sur les expériences de mort imminente et les sciences noétiques. Je mets science entre guillemets, bien sûr. On écoute Darius, donc Darius, pour les non-suisses, c'est notre star locale, notre Pujadas, notre PPD. Tout le monde aime bien Darius. On aimerait peut-être un peu moins après ça. Je vous le disais en titre, les progrès de la médecine et de la réanimation multiplient ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Des textes de l'Antiquité y font déjà allusion à un tableau de Bosch décrit ce fameux tunnel avec une lumière au bout qui apparaîtrait au moment de basculer dans la mort. Certains y voient une ouverture sur l'au-delà, d'autres un pur phénomène physiologique. Un centre à Genève s'occupe de ces questions. Claudio Zamperini, Éric Moisier. Que se passe-t-il lors d'un arrêt cardiaque? Les personnes qui ont vécu un état de mort clinique affirment en garder des images. Les témoignages relatent une sensation de séparation du corps, d'un déplacement dans un tunnel, suivi par la vision d'une lumière puissante. L'ensemble de ces phénomènes fait partie de ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Alors évidemment, si on en parlait déjà à l'Antiquité, mon cher Darius, et si Bosch l'a peint, je ne peux que m'incliner, ça, c'est un argument. C'est pas comme si un bon travail de bon journaliste consistait à séparer ce que l'on sait, le fait qu'effectivement à l'article de la mort, les gens voient cette lumière et ont l'impression de sortir de leur corps, de ce qui est spéculatif, la porte vers l'au-delà, etc. Et de recourir à des experts pour vulgariser tout ça. Un simple coup d'œil au chapitre « Analyse neurobiologique et psychologique » de la page « Near Death Experience » de Wikipédia conduit à des dizaines d'articles à comité de lecture sur le sujet, offrant des explications bien plus rationnelles au phénomène qu'un passage vers l'au-delà. Mais le principe de parcimonie, les revues à comité de lecture, la science quoi, c'est pour les petits joueurs. À la RTS, on est plus originaux que cela. Pourquoi chercher à expliquer un phénomène cérébral complexe quand on peut joyeusement valider le concept improbable, mais très cool, d'immortalité? Alors, en guise d'expert, on donne carrément la parole à l'Institut de Noétique. Si vous avez lu vos Dan Brown, vous savez que la noétique, ça doit vous dire quelque chose. Au départ, c'est un courant philosophico-métaphysique qui postule, si j'ai bien compris, que la réalité est en fait le produit de nos idées et de nos pensées. Très sympa comme concept, mais c'est pas scientifique pour deux ronds. Ce qui n'empêche pas des instituts de science, entre guillemets, noétiques, de pousser un peu partout. Et notre brave rédaction de la RTS, qui n'a décidément aucune culture scientifique, de leur demander un décryptage. On écoute donc la suite du reportage, enfin la suite du sujet. On écoute Sylvie Détiola, directrice de l'Institut suisse de noétique, appelée à la rescousse pour une explication. Actuellement, les gens osent beaucoup plus facilement en parler que ce n'était le cas il y a 30 ans où ces phénomènes étaient encore très peu connus, on n'en parlait pas du tout dans les médias. Si on veut être honnête, d'un point de vue scientifique et médical, on n'est toujours pas capable d'expliquer ce que sont ces expériences de mort imminente. Aujourd'hui encore, ces expériences ne font pas l'unanimité au sein du corps médical. Réelles ou simples hallucinations, ces images marquent à vie les rescapés. Les personnes qui font ces expériences nous rapportent que de témoigner auprès d'amis, de la famille ou des médecins, c'est chose qui n'est pas tout le temps aisée. Parce qu'on peut vite être pris pour quelqu'un qui a déliré ou quelqu'un qui a eu des hallucinations. Et ces gens-là ont quand même la conviction d'avoir eu un vécu qui est autre qu'un délire. Les réunions organisées par l'Institut de Noétique offrent la possibilité au personnel de santé d'échanger sur le vécu des patients. Les nouvelles techniques de réanimation permettent en effet la multiplication des expériences de mort imminente. La connaissance de ces phénomènes est la clé de la bonne prise en charge des patients, puisque ça deviendra de plus en plus fréquent, justement parce qu'il y en aura de plus en plus de personnes réanimées. Les études scientifiques estiment à 10% le nombre de personnes qui, après un arrêt cardiaque ou en coma, vivent avec les images liées à une expérience de mort imminente. Voilà, je m'en tiens qu'à l'occasion, il faut quand même qu'on fasse un truc sur un sujet sur les rapports qu'entretient la médecine avec la science, parce que ce n'est pas toujours très scientifique. Bon, ah ouais, là, ouais. J'allais décerner l'award sans concurrence aucune, mais Johan nous a quand même déniché quelque chose. Oui, c'est juste pour avoir un contestant. Hein, je suis tombé sur un article ce matin que je vais mettre dans la chatroom sur... un mec qui écrivait un article sur Philae, sur Business Insider, je crois. International Business Times, sorry. Et donc, il parle de Philae comme étant un atterrisseur de la NASA et qui se pose sur Mars, le tout en moins de 10 lignes. Donc voilà, je me suis dit que quand j'ai vu le sujet d'Alan, je me suis dit que c'était un bon concept. Hein. Et je crois que tu vas réussir à avoir battu Alan en moins de 10 lignes. Ah, j'avoue. C'est fort aussi. Ça fait son pesant de cacahuète. Non, moi, je décerne quand même l'award du mauvais journalisme scientifique, toute catégorie, à la RPS cette année encore, comme l'année dernière. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire, c'est que l'année dernière, ils avaient déjà fait un beau truc. Quoi. Ah ouais, c'était magnifique, spectaculaire. Le pire, c'est que l'année dernière, c'était le journaliste scientifique de la RTS. qui vraiment racontait n'importe quoi. C'était relatif à la découverte du boson, justement. Tu vois, à la limite, le reste de la rédaction, qu'ils n'aient pas de culture scientifique, ça me gêne énormément, mais ok, on peut ne pas cautionner, mais comprendre. Mais là, carrément, le journaliste scientifique, cette année, il a dû se tenir à carreau, ou alors j'ai loupé ce qu'il a raconté. Il faut dire que je ne regarde pas des masses la télé non plus, ça n'aide pas. Mais si jamais je peux... Ouais, on peut lancer un appel à délation, histoire que nos awards de l'année prochaine soient mieux préparés. Il va y avoir de la concurrence. Ça, de manière générale, n'hésitez pas à nous faire suivre ces trucs-là, parce que même nous, ça peut être intéressant de fouiller et d'essayer de... Même si on n'est pas au courant au début, d'essayer de voir ce qu'il en est, quoi. Parce que comme on a vu en discutant avec Pierre et tout, c'est pas toujours simple de savoir. Et là, que ce soit par le Café des Sciences et tout, on a moyen de poser des questions à des gens et ça peut faire des réponses assez intéressantes, quoi. Ok, super. Du coup, pour en déplaire à Robin, on va parler de l'award du milliard d'euros utilisé de la manière la plus originale. Sont sélectionnés 130 km d'autoroute en France, en moyenne. Philae qui se pose sur une comète. 3380 ou 9 jours de dette française. Attends, répète voir. Tous ces trucs-là, ils valent 1 milliard d'euros, c'est ça ? Alors ouais, selon les chiffres que j'ai vus, c'est-à-dire que je pense que c'est en gros à 10-20% près. Hein, j'ai pas été dans le détail. 130 km d'autoroute ? Ouais, l'autoroute, en fait, ça coûte hyper cher. C'est très utilisé souvent par le CNES pour comparer, parce que c'est là où tu te rends compte que c'est rien du tout, en fait, ces sommes-là. Alors que si te dit 1 milliard d'euros, ça paraît énorme. Je suis quand même assez sceptique. Ça me semble beaucoup, mais bon, peut-être, pourquoi pas. Bah écoute, je revérifierai, mais il me semble que j'avais vérifié pour Florence. Après, si tu veux, c'est une moyenne, les kilomètres d'autoroute, en fait, il n'y a pas un prix fixe, ça dépend où tu les construis et dans quelle façon et compagnie, c'est un ordre de grandeur, quoi. Je pense que c'est pas 10 km, c'est pas 1000 km. Comme les jours. J'ai déjà dit environ 6,2 millions par kilomètre d'autoroute en France. Alors, 6,2 fois 130, on tombe sur 800, tu vois, 800 millions. Donc c'est un peu moins, un peu plus de, ça doit être 150 km d'autoroute selon Wikipédia. Et je crois que moi j'avais trouvé une autre source. Bref, et 9 jours de dette française, c'est pareil, de toute façon ça varie un peu tout le temps. Mais c'est un peu les ordres d'idées, les ordres de grandeur qu'on trouve. Et à 380, n'en parlons pas non plus, parce que les prix sont pas forcément les mêmes en fonction du type d'avion qui est vendu avec les options, etc. Mais c'est une histoire d'ordre de grandeur. Et en tout cas, le lauréat est Philae, qui se pose sur une comète, n'en déplaise à Robin, où c'était une manière de revenir un peu sur des choses qui ont sens. Ah non, mais pour dire que c'est plus original que de faire des kilomètres d'autoroute, là je suis d'accord, y a pas de problème. Non, en tout cas, c'était aussi pour revenir sur les histoires qu'on entend souvent dès qu'il y a des choses spatiales, sur le prix du spatial, et rappeler que ça coûte rien du tout. Et vraiment rien du tout par rapport à plein d'autres choses qui sont faites à côté, quoi. Voilà, ouais. C'est juste pour ça qu'était là le Ward. Des commentaires, les autres ? Ouais, ça correspond en fait à 161,29 km. Ouais, alors, avec ce prix-là, c'est-à-dire que si tu changes le prix, ça va correspondre à autre chose, en fait. Hein. C'est, Ouais, non, mais c'est fou, c'est rien, 162 km. Ouais, c'est ça, c'est bien possible. Mais ouais, c'est fou. C'est pour ça que le CNES part en kilomètres d'autoroute, parce qu'en fait, Et surtout que Philae, c'est quoi ? C'est sur 20 ans, c'est ça ? C'est vrai que c'est assez incroyable que ça donne l'impression du coup que ça coûte rien, quoi. Tu dis juste Alors quand tu dis 1 milliard, ça paraît énorme. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vachement bon de communiquer comme ça. Et la dette française, je préfère ne même pas comprendre ce que c'est. Alors ça, j'ai même pas vérifié le chiffre, mais ça me paraissait vaguement crédible. Et puis, je sais que c'est des sommes délirantes, mais c'était au Palais de la Découverte où on disait que à l'époque où il y avait eu 1700 milliards de décimales de pi découvertes. On disait que c'était pas un chiffre astronomique, parce que les chiffres astronomiques ne sont pas cet ordre de grandeur là, c'était plus un chiffre économique, parce que ça correspondait vaguement à des sommes du type des dettes des pays et compagnie, quoi. Du coup, ça marche plus maintenant que les dettes sont astronomiques. C'est ça. Alors, non, je crois que justement ces chiffres. Ah, mais les décimales de pi, il y en a 10 000 milliards maintenant, donc de connus. Donc, je sais pas si ça correspond aux dettes, je sais pas. C'est beaucoup plus que les dettes maintenant. Ça fait 3 ans de dettes françaises, si j'ai voilà. C'est un truc comme ça. Bon, bref, donc évidemment, t'as accordé l'award à Philae. Ouais, voilà, bien sûr. Ah bah, bien sûr. Bon, après les multiples départs d'Alan, on va aussi parler des épisodes où Alan considère qu'il n'a rien fait. Et en fait, bon, il a préparé autant, voire plus que la plupart. Donc il y avait l'épisode, alors j'en ai sélectionné que quelques-uns, parce que vous vous rendez bien compte que ça concerne à peu près tous les épisodes, mais il y avait le podcast 192, c'était un freestyle, où t'avais fait l'interview de Damien, l'interview de Nicolas Grandjean, t'avais participé aux commentaires sur les messages d'auditeurs. Il y avait bien sûr le 196 où t'étais en Australie et t'as quand même participé à l'émission pendant, ça faisait 15-20 minutes je crois, la carte postale. Et puis, mon mot préféré, c'est aujourd'hui, où tu as quand même commencé ton petit message en nous disant « j'ai pas fait grand-chose ». Et puis, si vous pouviez voir le conducteur, il y a quand même pas mal de bleu qui a la couleur d'Alan. Il a ramené tous les sons en plus. Oui, exactement. Il a quasiment rien fait, mais bon, il a quand même fait des courts extraits de chaque émission. C'est quand même lui qui a fait les seuls prix sérieux, quoi. Oui, c'est pas tout vrai. À fait. Le Ward enfin, suivant est un prix sérieux. Franchement, je vais m'ouvrir une bière. Et du coup, le lauréat cet épisode. Ça, c'est du jamais aujourd'hui. Vu. Un lauréat qui est l'épisode qu'on enregistre en même temps. Putain, ouais. Ça, c'est balèze. Ça me plaît, ça. Il y a une thématique autoréférence qui me plaît bien là, dans l'émission. Ouais. Là, entre 2-3. En fait, quand tu zoomes sur l'émission, il y en a encore une. C'est bon. On va le faire, l'émission sur les fractales. On va le faire. À quoi peut vous servir ce message? Bon, on passe à l'award de la non-citation de Podcast Science par Robin. Ah, c'est bon ça. Alors là, c'était quand même un award assez serré parce qu'on avait beaucoup de sélections assez équivalentes. Le premier sélectionné, c'est son dernier livre, bien sûr, où il parle du blog d'LJJ, mais pas de Podcast Science. Les sélections suivantes, c'est l'émission de France Culture, à laquelle il a participé, où il n'a pas cité Podcast Science non plus. L'émission de France Inter, qui est encore plus particulière parce qu'il a parlé de son blog, mais n'a pas parlé de Podcast Science. Et enfin, pour toute son œuvre dans Science et Vie Junior, où il n'a jamais évoqué Podcast Science. J'ai le droit de me justifier ou c'est juste un assassinat en règle? Et donc le lauréat, ça reste quand même l'émission de France Inter où il a pu parler de son blog, mais pas de podcast. Mais non, attendez. Son blog, c'est pas moi qui ai parlé de mon blog parce que j'aurais jamais dit mon blog. Alors là, vraiment, c'est quelqu'un m'a parlé de mon blog et le temps que je comprenne ce que ça voulait dire, le moment était trop tard, quoi. C'était plus possible. Franchement, j'ai pas du tout compris ce que ça voulait dire mon blog en fait. Non, mais il n'y a pas de souci, Robin. Tu choisis tes amis. Tu peux choisir tes amis où tu veux, tu sais. Et alors, pour ce qui est de France Culture, il faut quand même savoir que je leur ai parlé plein de fois de Podcast Science. Ils ont dit qu'ils allaient le mettre sur le site de l'émission et ils ne l'ont jamais mis alors que je leur ai envoyé, mais le jour même, quoi. Et pour le livre, je suis désolé, mais le livre, j'ai parlé de maths. Je mets un site qui parle de maths, je ne mets pas un site qui parle de plein de trucs. C'est le bordel. Enfin. Voilà. Et Science et Vie Junior, je garde dans la tête d'essayer de leur proposer, dès que je récupère un peu de temps, un dossier sur... parce qu'ils sont un peu à la masse sur ce qui concerne Internet, je trouve. Et ça va, Robin, on te croit. Hein. Un dossier... Non, mais par contre, ça, je pense que vraiment, je vais essayer de le faire. Un dossier sur la science qu'on peut trouver de façon un peu sympa sur Internet. Et dans ce cas-là, évidemment, je fais la pub. Et l'an prochain, si vous venez au Podcast Science Award, il y aura le combat des excuses d'Irène contre les excuses de Robin. Ouais, mais les miennes, elles sont vraies. Hein. Bon, on passe. Moi aussi. Qu'est-ce que c'est que cette remarque, Irène? En Robin, tu nous fais le word suivant. C'est bien du rouge, là, je ne me suis pas trompé. Ouais, c'est du rouge, c'est le word de Topo. Écrit, hein, donc c'est, je pense que je ne sais pas qui a proposé ça. C'est Topo. C'est Topo. Oui. Donc on a le prix du parasite le plus dangereux du monde. Alors en sélectionné, on a, alors je ne sais absolument pas les prononcer, le candiru, candiru, je ne sais pas comment on dit. Ouais, candiru. Candiru, ça fait un peu Candy Crush. C'est un poisson qui se faufile dans l'urètre des humains. C'est absolument ignoble. C'est je ne connaissais pas, mais c'est immonde. D'accord. Le Toxoplasma gondii, ah ça je connais ça, qui contrôle les rats pour qu'ils aiment l'urine des chats et du coup probablement la source de notre amour pour les félins. D'accord. Donc ça c'est bien ça. Je ne savais pas que c'était le. On est tous infectés par. Enfin sauf les gens qui n'aiment pas les chats quoi. On est tous infectés par Toxoplasma gondii, très bien. Loa loa, le ver filaire qui se loge dans les tissus conjonctifs des yeux d'humains. Ça a l'air sympa aussi. Ça, c'est les peluches de fibres textiles qui se logent dans nos nombrils. Ah, ça, c'est des saloperies, ça, putain. Et Topo au sein de l'équipe de Podcast Science. Alors, ça, alors Topo, vraiment, j'ai lu avant, je l'ai lu à haute voix avant de le lire dans ma tête. Je n'aurais jamais lu une phrase pareille. Vous êtes vraiment une bande d'enflure, je sais pas qui a écrit mais c'est ça. Lui ah, c'est lui qui a écrit ça ouais, bien sûr. Et en plus le lauréat et en plus, est... se met comme lauréat d'accord ok ça. Ok bon ça, si t'as envie d'être considéré comme un parasite Topo c'est ton problème. Nous on considère que On vous mettra les liens vers les différents parasites. Je vous déconseille fortement d'aller derrière les liens. C'est vraiment dégueulasse. Oui, ils pointent tous sur le site de Coco, Strange Stuff and Funky Things. Et pour ton information, Robin, le candirou, il s'avit en Amazonie. T'es tranquille, là. Tu peux aller à la piscine municipale, il n'y a pas de souci. Okay, c'est bon. Je peux continuer à prendre des douches, tout ça, tout va bien. Ouais. On passe à l'award du meilleur support de dossier. Donc, les sélectionnés sont un post WordPress, un document Word, ou... Alors, franchement, j'ai pas de mots pour le décrire. Je pense qu'il faut mettre la photo donc, dans la chatroom. C'était quel dossier? C'était sur le dossier cristallographie. Elle a déjà été mise dans la Non, chatroom. C'était sur la rubrique fail. Ah oui, sur la rubrique fail, donc où Robin avait une feuille de papier dégueulasse à moitié froissée, où c'était écrit dans deux sens en même temps, et où il y avait un dessin au milieu. Et c'était voilà. Ça qu'il lisait pour faire la rubrique fail. Les notes pour le dossier de ce soir On n'arrive même pas à lire ce qui est écrit, quoi. Le lauréat et la feuille de Robin. Ok. Du coup, on passe à un award un peu stat. L'award de l'épisode le plus téléchargé sur SoundCloud cette année. Les sélectionnés sont le 174 des ordinateurs quantiques avec Sylvie Tissot, dont on a parlé déjà plus haut. Le 168 sur le chaos. Le 182 à CIGEO, sur ce lieu où on veut stocker des déchets nucléaires. Le 160 sur les exoplanètes de notre cher Johan. Et le 164 des hormones de notre chère Irène. Et le lauréat est les ordinateurs quantiques, qui donc est le plus téléchargé cette année. Et je vous les ai donnés en fait dans l'ordre de téléchargement. Donc venait ensuite le chaos, le CIGEO, exoplanètes et hormones. Alors, sachant que, ce qui n'est pas vrai pour les deux, pour les premiers, en fait les plus vieux ont eu plus de temps pour être téléchargés, on a un petit effet de longue traîne, mais le fait est que CIGEO et ordinateurs quantiques sont assez récents finalement, et donc sont vraiment devant les autres. Et c'est quel ordre de grandeur quand tu dis plus téléchargé? C'est combien de... 174, donc les ordinateurs quantiques, on a eu 7607 downloads, KO 6766, CIGEO 6735, exoplanètes 6651 et hormones 6309. Et c'est que SoundCloud, il n'y a pas du tout toutes les autres stats qu'il peut y avoir à droite à gauche, quoi. Et on ne sait pas comment ils mesurent. Mais ça donne un ordre d'idée, quoi. Ok. Ouais, c'est pas mal, hein. Non, c'est marrant, ordinateur quantique, c'est vraiment une vraie surprise, on s'y attendait pas là, quand j'ai regardé les stats, mais c'est cool. Après, c'est sans doute quelque chose qui est plus recherché que du CIGEO ou des choses comme ça, quoi, qui sont moins connues. Alors, on va passer aux membres qui a fait le plus de dossiers qui n'ont jamais été publiés. Donc, les sélectionnés sont David, Robin et moi-même, parce que j'ai jamais publié la biographie de Kip Thorne. Alors, si on regardait en proportion, bah, ce serait moi qui serais la lauréate. C'est clair, bon. Que 100%, c'est quand même énorme. Comme on va regarder en nombre de dossiers, et bah, contre toute attente, ce n'est pas Robin. C'est David qui n'a jamais publié ses dossiers, tous ses derniers dossiers sur l'auto-organisation, la science-fiction, tout ça. Mais bon, ça passera en retranscription si un jour on a le temps. Et puis Robin, si un jour tu veux publier tes dossiers, mais tes musiques et le chaos, tu peux. Ouais, tu as des notes, je crois. Alors, alors KO, je dois avoir des notes, je dois avoir un dossier quasiment prêt en écrit, quoi, sur ordinateur. Math et musique, je crains que ce soit des notes dégueulasses sur du papier, en vrac. très bien, écoute. Mais il faudrait que je le fasse, hein. Ça fait partie de ma culpabilité quotidienne, hein, si ça peut vous rassurer. Parfait. Bon, alors maintenant, c'est à moi. Oui, alors là, c'est un truc pour me fouetter, disons. J'avoue honteusement, je vais me remettre le prix de l'occasion manquée pour des invités à Podcast Science. Donc, je rencontre régulièrement, dans le cadre de mon travail, Cédric Villani, qui est quand même quelqu'un qui a la Médafield, qui aime beaucoup aller dans les médias, qui a quand même... beaucoup de choses à raconter, qui sait s'adresser, enfin, ça peut se discuter, mais il sait quand même un peu s'adresser au grand public et il aurait plein de choses très très intéressantes à raconter sur les mathématiques. Je le rencontre régulièrement dans le cadre du boulot et Alan m'a déjà tanné plusieurs fois en me disant « Mais comment ça, tu le croises et tu ne l'invites pas ?» Et j'ai jamais eu l'occasion, enfin, j'ai jamais eu... Il est toujours très très pris, j'ai toujours à discuter avec d'autres personnes, d'autres choses, etc. Et à chaque fois, en fait, je me dis « Ah bah tiens, c'est trop tard, ça y est, je suis parti et je lui ai pas parlé. » Voilà, c'est même pas que je suis intimidé en plus, parce qu'il est pas très intimidant, mais c'est juste que, voilà, à chaque fois que j'y pense, c'est trop tard. Moi, je l'ai invité, mais il avait dit non, en fait, parce qu'il trouvait qu'il il avait fait trop de télé ces derniers temps. Alors, c'est peut-être plus vraiment. Ouais, non, mais le fait est qu'il est très, très pris. Hein, je veux dire, c'est voilà. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, ouais, c'est quand même un peu dommage parce que je le croise, quoi. C'est pas juste le contacter sans le connaître. Moi, je le croise, il me reconnaît. Il me connaît pas vraiment très bien, mais il me reconnaît. On s'est déjà croisé plusieurs fois, donc j'aurai une autre accroche quand même, quoi. Ouais. Il est au courant que je bosse au Palais de la Découverte. Tout ça, ça fait un peu une autre entrée en matière. Je pense qu'il y aurait moyen éventuellement, quoi. Bon, j'ai un deuxième, alors ça c'est pas un vrai regret du tout, mais je me dis juste que des fois, c'est curieux que personne ici ne m'en ait encore parlé, mais j'ai quand même pour chef dans mon travail, la première femme française à être allée dans l'espace, voilà, qui s'appelle Claudie Agnoret. Alors je la croise très souvent aussi. Ah ouais. Je la croise très souvent aussi parce que ben, je suis représentant du personnel dans diverses Tu la croises dans des bonnes conditions. Occasions. Et je la croise dans des conditions où globalement je suis là pour gueuler et pour dire que je suis pas content. Mais malgré tout, j'entretiens de très bonnes relations avec elle. Elle m'a même demandé une dédicace pour mon bouquin, pas pour le dernier, mais pour celui d'avant, tout ça. Genre, elle est très gentille avec moi, etc. Donc, je me dis, moi, j'aurais aucune idée de quelles questions lui poser, mais je me dis, je suis sûr que vous auriez plein de questions à lui poser. Et je suis très, très surpris finalement que personne ne m'ait jamais demandé de l'inviter. Merci. Moi, j'aimerais beaucoup l'inviter, on n'a pas oublié. Cela dit, ça me ferait vraiment bizarre de l'avoir dans ce cadre-là. Faut bien reconnaître. Faudra que tu te tiennes tranquille, faudra pas gueuler, revendiquer, tout ça. Et alors sinon, j'ai un autre regret, c'est on a parlé un soir, je sais plus si c'était pendant ou après l'émission, d'Alexandre Astier qui faisait son dernier spectacle sur l'exoconférence, là, donc un peu sur les sciences, etc. Et quelque chose comme une semaine plus tard, je vois Alexandre Astier qui débarque au Palais de la Découverte. À l'occasion de la fête de la science, parce qu'il joue son spectacle au théâtre qui est juste à côté. Le problème, c'est que j'étais en train d'expliquer des trucs au public, donc je le vois, je me dis « Ah tiens, ça serait sympa que je trouve une minute pour m'éloigner, pour aller lui dire bonjour, lui proposer de faire quelque chose. » Et le moment où j'arrête de parler avec le public, il était évidemment plus là. Et voilà, je me dis « Tiens, c'est dommage. » Et après, il repasse, et il y a quelqu'un d'autre qui vient lui parler de mathématiques, et donc bah, il a entendu parler de mathématiques, mais pas avec moi, et donc il est reparti après. Et une semaine après, il est repassé au Palais des Découvertes, et là, j'étais justement pas avec ma chère patronne, mais avec quelqu'un d'autre en train de parler de problèmes de fonctionnement interne, etc. Et j'ai pas pu du tout m'interrompre au milieu de ma discussion, c'était pas possible. Et donc, il est reparti. Donc voilà, je me dis là encore, si on le contacte en lui disant bonjour, on existe, etc., c'est pas exactement la même chose que si quelqu'un du Palais de la Découverte l'aborde en disant bonjour, tout ça, est-ce que... Et bah, c'est raté. Ouais. Ça, c'est dommage, ça. Oh, à d'autres occasions. Tu veux nous rendre... hein. Donc voilà. Il y avait aussi Monsieur Matt de Pour la Science, aussi, accessoirement. Ah bah, Jean-Paul Delahaye, ouais, alors lui, effectivement, je l'ai croisé, j'ai même préparé une conférence avec lui, il a fait deux conférences au Palais de la Découverte, je les ai préparées avec lui, je l'ai introduit, etc., en disant tout le bien que je pensais de lui, et bon, là, lui, il faut reconnaître que j'y ai pas pensé. Très bien, et bien, du coup, nous passons à l'award du terme qui nous ramène le plus de visites sur le site. Donc pour ça, j'ai été consulter Google Analytics et j'ai viré tous les podcasts sciences. Et j'ai regardé ceux qui avaient l'air d'être autre chose que podcast science. Là-dessus, donc, les sélectionnés sont Carl Rogers, Somnambule, et toutes ses déclinaisons, somnambulisme, etc., et CERN. Et le lauréat, aussi étonnant que ça puisse y paraître, est Somnambule. C'est marrant. Ouais. Bon. Ah ouais, c'est marrant. Alors, ça. On a plein de choses. On a somnambule, somnambulisme, réveiller un somnambule, tout ça qui a ramené pas mal de monde. Alors, sachant que l'écrasante majorité des termes ne sont pas donnés par Google. Donc, en fait, c'est pas très représentatif, c'est juste rigolo. Hein. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils sont marqués comme non répertoriés ou non disponibles ou un truc comme ça. J'ai pas. Ah, il y en a plein qui retient pas. En fait, sur Google Analytics, maintenant, ils ne donnent plus les termes, quasiment plus. Et du coup, il y a que quelques-uns qui sont donnés, mais c'est vraiment une minorité, quoi. Tu veux dire qu'en fait, c'est des statistiques qui sont complètement fausses. Voilà, c'est ça. Mais enfin, pas complètement fausses. Elles ont une source, mais c'est pas dit que ce soit les termes les plus recherchés. C'est juste que les autres, on n'y a pas accès. L'award suivant, c'est l'award de la plus belle voile. C'est bien d'avoir l'award de la plus belle voile. Ouais, c'est beau. C'est mais beau, pourquoi ça. Mais pourquoi la plus belle voile, Alan? Pourquoi la plus belle voile? Ça, c'est une idée de Topo, hein, celui qui a trouvé le nom de l'award. C'est pour la personne qui se prend plein de vent. Alors, en sélectionner, ben, c'est compliqué parce qu'il y a trop de candidats, mais on va quand même retenir un message de Méal. C'est le message le plus ignoré par Nicotube depuis la création de notre répondeur sur SpeakPipe. On l'écoute. Salut, c'est Méal. J'ai hâte de voir les prochains dessins live de Nico. C'est nouveau. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai arrêté de dessiner, c'est ça? Dessiner, genre 2 ans avant. C'est depuis ce jour-là qu'on a retiré de l'arôme. Si vous avez de la chance, Nicotube va vous faire des dessins, tout ça. Parce que tu dessines plus, en fait. Bah oui, non, j'ai remarqué que je récupère. En fait, au niveau technique, en utilisant la table, ma tablette est déjà utilisée pour les jingles. Enfin, c'est le bordel. Et là, normalement, je devrais avoir une nouvelle tablette graphique qui devrait me permettre de me remettre au dessin. Mais c'était, voilà une bonne nouvelle. C'était techniquement et spatialement assez compliqué, quoi. Ok, bon, bah c'est une très bonne nouvelle, on est heureux de t'entendre. Donc ouais. ça devrait revenir, je vais essayer aussi d'augmenter un peu la qualité en dessinant vraiment sur un ordinateur, en arrêtant de bouder ça, et voilà. Excellent. Donc ça, c'était un des concurrents en lice, et puis le deuxième, qui se trouve aussi être le lauréat, c'est Monsieur Nose, notre ami Monsieur Nose, qu'on voit souvent dans la chatroom. À qui on fait des bises, parce qu'il va nous écouter. Ouais, puis on aime bien, monsieur Noz. Alors, il m'envoie chaque semaine 1 à 2 vidéos qui durent des plombes, que je ne regarde jamais, que je ne regarderai jamais. Il le sait, en plus, je le lui dis régulièrement, enfin, de temps en temps, pas pour chaque vidéo. Je lui dis, tu sais, j'étais en réunion quand tu m'as envoyé ton truc de 2 heures, j'étais dans le train, j'avais pas la 3G, etc. Mais il s'acharne, il continue, il se décourage jamais. Alors, il aurait pu se prendre l'award du dragueur qui n'a aucune chance, mais qui persévère. Je ne sais pas, il a l'air un nom pour ça. Mais bon, la catégorie n'existe pas, donc il se prend l'award de la plus belle voile. Continue comme ça, monsieur Nose, t'as toute ta fête pour l'année prochaine. Bon, passons aux choses un peu sérieuses, là, maintenant. C'est l'award de la meilleure quote d'Albert Einstein. Alors, les sélectionnés sont... S'il n'y avait pas la science, combien d'entre nous pourraient profiter de leur cancer pendant plus de 5 ans? Oh, ça c'est pas Einstein, mais ça se voit, quoi. Ne fais confiance à la personne sauf à ta maman. Il faut se souvenir d'oublier. Ou most remarkable discovery made by scientists is science itself. Elles sont pas mal ces citations d'Einstein, elles sont variées. Ouais, elles sont vraiment du vrai Einstein ou c'est des citations d'Einstein? Autant sont... que la plupart des citations d'Einstein qu'on entend, c'est-à-dire ça. Non. Donc en général, pas du tout d'Einstein. Voilà, donc la première est de Pierre Desproges, la deuxième est de la mère de Thierry qui était venue nous faire un épisode sur le tri, la troisième, elle est de personne de spécial, elle est dans le documentaire Into Eternity sur l'enfouissement des déchets nucléaires, et la dernière est de Gérard Piel. Ok, très bien. Donc la meilleure quote... Et bien sûr, c'est toutes des quotes d'épisodes de Podcast Science. Et quel est le lauréat? Le lauréat n'a pas été sélectionné, donc un ancien dictateur peut le choisir, par exemple. Que fait la dictature? Alors moi, je propose la dernière, qui est vraiment très belle. Je m'en souvenais plus, et ça m'a fait plaisir de la reprendre. Vas-y, redonne-la. Ouais, mais tu la redonnes en anglais un petit coup. Vas-y. Donc je vais la redonner en français, du coup. la plus belle découverte faite par des scientifiques est la science elle-même. On peut épiloguer là-dessus pendant des heures. Est-ce que la science est une découverte, tout ça? Ouais, voilà. Mais ouais. Mais en fait, je trouve, et d'autant plus avec ce que tu disais sur la médecine, tout ça, que mine de rien, la démarche scientifique est en effet une très très belle avancée dans la démarche, dans la réflexion, etc. Et que je trouve que cette citation est pas mal. À juger, même si elle n'est pas d'Einstein, comme la plupart des citations d'Einstein. C'est ça. Mais j'aime bien la catégorie, le award de la meilleure quote d'Einstein. Je pense que ça va durer. Ouais. Ouais, c'est bon. Alors moi, j'ai une nouvelle catégorie à proposer aussi. Je vais vous écouter quelque chose et vous allez devoir deviner quelle est la catégorie. On y va? Ouais. Merci. Je me rappelle plus, on t'a invité ou tu t'es imposé? Vous m'avez invité, bande de Ça va pas ou quoi? Moi, je m'impose jamais, je suis d'une nature délicate et tout à fait sensible. C'était voilà. Elle, les mails de menace, c'est ça, hein? Alors, vous aurez reconnu notre ami Billy. Donc, c'est l'award de l'expression la plus fleurie de Billy. C'est là que je regrette de ne pas avoir des tonnerres d'applaudissements. Il faudrait quand même les faire. Ah, mais on peut les faire, là. On peut les faire. On est à fond, là. Alors, pour la première, sous vos applaudissements, bande de bâtards. La deuxième, allez tous vous faire enculer. La troisième, je vous emmerde. Et la quatrième, je vous adore. En fait, on va tricher un peu, comme citation lauréate, je propose un melting pot, c'est « Je vous adore, bande de bâtards ». Ah, ça correspond tellement. Oui. Ça résume l'esprit de la personne. Ah, ouais. On l'a devant nous, là, tout de suite, là. Ouais, c'est ça, ouais. Je me disais qu'on... il y a quelqu'un qui est en train d'ajouter dans la chatroom, c'est Jeanne, dans le conducteur, « Je suis une petite chose fragile, bande de bâtards ». C'est vrai que ça aussi, ça dit tout, quoi. Ça s'en dit long sur le personnage. Je me demandais, en fait, c'est une idée à mi-chemin entre l'idée business très rentable qui va nous permettre de gagner enfin de l'argent avec Podcast Science et l'idée un peu what the fuck. Est-ce qu'on ne devrait pas faire des t-shirts avec Je suis assez d'accord, en fait. On va se faire des t-shirts avec les citations de Billy. Bande de bâtards. Bande de bâtards. Je me vois tellement me balader avec un t-shirt. Non, je suis une petite chose sensible, bande de bâtards. Je pense que... Il y a un vrai potentiel business. Billy, on t'aime. Joyeux Noël, bonne année. C'est ça, toutes les choses. Et puis on attend ton prochain dossier. Ouais, t'es déjà en retard. Demain 16h. Ouais. Demain 16h, en plus, c'est bien, c'est le 24 décembre, parfait quoi. Ouais, c'est ça. En fait, elle est en retard depuis 16h01. C'est inadmissible, mais on a l'habitude. On passe à un award culturel, à l'award du livre qui a l'air super bien, mais qu'on n'a pas encore lu. Les sélectionnés sont Vous avez dit Matt, d'un certain Robin Jamais. Passeur de science, d'un certain Passeur de science, du blog Passeur de science. Là, c'est un peu le truc perso parce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un dossier un de ces quatre là-dessus. C'est The Man Who Knew Infinity, A Life of the Genius, Ramanujan. Il y a Robin qui aura compris de quoi ça parle. J'ai pas compris un mot de ce que tu viens de dire. L'homme qui connaissait l'infini, la vie du génie Ramanujan. Ramanujan. Okay. Ramanujan, ouais, enfin, bref, tu veux, ça, c'est indien. Et voilà, qui est l'histoire d'un mathématicien qui, a priori, très romanesque, dans le sens où il n'a pas vraiment étudié les maths, mais il les a révolutionnés, etc. Quoi. Et il faudra qu'on en parle un jour dans Podcast Science et on en parlera. Ouais, c'est un personnage assez fascinant. Voilà. Et enfin, Qu'est-ce que la science de Chalmers, c'est ça? Ouais, Chalmers. Ouais. Ça, c'est moi qui l'ai mis. Ça fait 6 mois qu'il est sur ma table de nuit et que j'ai pas le lire, mais que j'aimerais. Bah, je vais pas pouvoir participer puisque, quand même, pour ma plus grande fierté, il y en a deux que j'ai lus, quoi. C'est en peine croyable. Le tien, tu l'as pas lu, tu l'as écrit. Ah ouais, mais je l'ai lu, je suis désolé, je l'ai relu ah non, même. Ça, compte pas. ça vaut. Et qu'est-ce que la science je l'ai lu, c'est quand j'étais jeune et beau et que je faisais encore des études. Et du coup, comme on m'avait dit qu'il fallait le lire, je l'avais lu. Le lauréat, sauf si l'un de nous l'a vraiment lu, c'est le livre de Robin. Moi, je l'ai commencé quand même, j'ai lu le premier chapitre. Ouais, moi aussi, j'ai lu la couverture. Alors, je continue à m'auto-flageller. Moi, j'ai fait des prix pour m'auto-flageller. Hein. Cela dit, celui-là, pas tant que ça. Mais enfin, un peu quand même, si sur la fin, j'ai un peu honte. Il y a le prix du livre que ça aurait été quand même bien que je le lise avant l'émission qui était sur le thème. Donc l'émission de Podcast Science, ça s'entend. Donc avant de faire l'émission sur les cristaux, ça aurait été bien que je lise Symétrie au clair de lune de Marcus Du Sautoy, même si cet auteur m'agace un peu. Voilà. J'avais quand même parlé du bouquin. Et objectivement, il y a quand même beaucoup de choses sur le sujet dans le bouquin, a priori, de ce que j'en sais. Avant de faire l'émission sur les nombres premiers, ça aurait pu être pas mal que je lise le bouquin de Jean-Paul Delahaye qui s'appelle Merveilleux nombres premiers. Surtout que Delahaye, je sais que c'est toujours très complet, très intéressant, très creusé, etc. Avant de parler de maths et musique, et d'en parler pas que à Podcast Science, à plein d'autres endroits, il y a quand même un hors-série maths et musique de la revue de la PMEP, de l'Association des profs de maths, qui est entièrement dédié au rapport entre les maths et la musique. Donc on dit toujours c'est difficile de trouver de la doc sur le sujet et tout. Là, il y a un numéro entier dessus, juste sur maths et musique et pas science et musique. Et puis alors, ma plus grande honte, c'est de toujours pas avoir lu L'impensable hasard, premier livre qu'Alan m'a gentiment fait envoyer pour que je le lise avant l'émission. Ah, j'ai toujours pas ouvert. J'avais oublié. Alors, après, il m'en a plus jamais fait envoyer. Je sais pas pourquoi. Je se demande. Hein. Surtout, il t'a jamais plus fait envoyer des livres de physique, quoi. Ouais, non, mais plus de livres du tout. Enfin, voilà. Mais je lui avais dit que j'aurais pas le temps de le lire. Mais le problème, c'est que là, je l'ai toujours pas. Enfin, si, j'ai dû l'ouvrir et me dire, mais j'ai pas le temps. Donc voilà. Mais je me dis que j'ai toujours pas non plus écouté l'émission. Est-ce que tu peux commencer par écouter l'émission avant de lire le livre, ça va m'aider, je pense. Ouais, tu le vends en version numérique? Non, merci, ça ira. En fait, il y a aussi les livres où j'ai d'une autre façon honte de ne pas les avoir lus, parce que là, pour le coup, j'en parle vraiment, mais vraiment en parlant comme si vraiment je les avais lus régulièrement à l'occasion de sujets au Palais Découverte. Et donc, par exemple, il y a Les éléments de mathématiques de Nicolas Bourbaki, qui est une énorme référence en mathématiques, où je sais que je ne vais rien comprendre, mais quand même, ça serait bien qu'un jour, j'aille un peu creuser. C'est une œuvre, il faudra qu'on fasse une émission dessus un jour sur Podcast Science, sur Bourbaki. On en a déjà un petit peu parlé. C'est quand même une énorme référence sur la façon de faire des mathématiques au XXe siècle. Et je crois vraiment ne jamais avoir ouvert un tome. Il y a aussi le Liber Abaci, qui est le livre le plus connu sur l'introduction des chiffres arabes en Europe, et qui introduit notamment la fameuse suite de Fibonacci. Et je me suis fait taper dessus très gentiment par quelqu'un qui a lu mon bouquin et qui dit que ce que je raconte à ce propos dans mon bouquin est faux. Je me dis, je raconte ça depuis le début. Je suis jamais allé vérifier dans l'œuvre. Oh, j'ai super honte. C'est moche. C'est super lamentable. Et mais parce que j'avais entendu des collègues au Polygraph parler de ça, je m'étais dit qu'ils étaient allés voir par eux-mêmes, quoi. J'avais fait confiance. Et puis, en fait, apparemment, c'est un peu, pas trop grave, évidemment, mais quand même un peu des conneries. Et l'autre truc que j'ai très, très honte de ne pas avoir lu toujours, c'est la thèse de Nico, parce qu'au moment de me la donner, il m'a dit « Non, mais si tu n'as pas l'intention de vraiment la lire, je la garde, hein, je ne te la donne pas, ce n'est pas la peine. Hein. » Et donc, j'ai la thèse de Nico dans le... Alors pour le coup, ça je l'ai feuilleté quand même, hein, mais je l'ai pas lu vraiment. T'en fais pas, il y a que 10 personnes qui l'ont lu dans le monde alors. Mm. Voilà. Alors le seul truc qui peut me sauver, c'est que par contre, j'ai lu le livre qu'on m'a offert un jour qui s'appelle Comment parler des livres qu'on n'a pas lus, et je pense vraiment que ça m'aide énormément. On sent que ça t'aide. Ouais. T'as tellement l'air de maîtriser tes dossiers. C'est ce soir qu'on découvre qu'en fait, tu lis pas forcément les bouquins. Bravo, Robin. Ok, bon, la transition va être difficile après ça, mais on essaye. C'est l'award du plus joli merci reçu de la part d'un auditeur ou d'une auditrice. Là encore, il y a trop de candidats pour tous les énumérer. Mais le vainqueur est un message qu'on a reçu le 18 novembre. C'était via le formulaire de contact, je crois, de David Brosseau. Le message était intitulé « Juste merci ». Je vous le lis. Bonjour à toute l'équipe de Podcast Science. Cela fait maintenant plus d'un an que je profite crapuleusement de ce formidable podcast hebdomadaire et enfin je me décide à écrire cette épître pour simplement dire merci. N'ayant aucune formation scientifique mais curieux de comprendre les choses qui m'entourent, j'ai souvent levé les yeux pour admirer de nuit cette voûte céleste en culpabilisant de ne pas prendre le temps de comprendre cet extraordinaire ciel diapré et flavescent qui s'offre à nos yeux. Le temps a passé, si temps il y a, et à force d'entendre des théories sur l'existence de petits êtres dolichocéphales venus d'ailleurs, j'ai voulu faire partie de ceux qui savent de quoi ils parlent, ou du moins de me faire ma propre opinion sur la vie ailleurs, mais aussi sur la vie sur Terre. J'ai donc commencé à écumer les reportages et autres vidéos disponibles sur le net ou à la télé, avec comme impedimenta un fardeau de méconnaissance des bases élémentaires du savoir dans bon nombre de domaines. J'ai toujours cru que le savoir était réservé à un groupe fermé d'élitistes, tous plus taciturnes les uns que les autres, quand il s'agit de parler de leur travail et d'expliquer avec des mots simples ce qu'ils faisaient. Au risque d'être ennuyeux et de passer pour un inculte, je n'osais pas les interroger. Un jour, après avoir vu un reportage très bien fait, ayant pour nom E égale MC carré, biographie d'une équation, diffusée sur Arte, j'ai enfin trouvé un socle à mon savoir et j'ai pu, brique après brique, construire ces bases qui m'avaient si longtemps fait défaut. Dans la foulée, j'ai fait une recherche sur YouTube et paf, me voilà en train d'écouter un épisode de Podcast Science, le numéro 38, relatif à la lumière. Un délice pour mes esgourdes, du velours pour mon cœur. Me voilà conquis. Enfin, une émission de vulgarisation qui reprend les fondamentaux et ne se prend pas au sérieux. Plus d'excuses pour justifier mon indigence intellectuelle en termes de science. Tout devient intéressant et accessible. Mieux, je prends conscience que moi aussi je peux comprendre la science et à mon niveau, on apprécie les subtilités. Aujourd'hui, je dirais que les sciences, les mathématiques, la biologie, la géologie, la mécanique, l'électronique et bien d'autres, à l'instar des couleurs que nous connaissons, révèlent les nuances du monde qui nous entoure. Dans un premier temps, on nous apprend les bases du savoir, les couleurs primaires, puis secondaires, ce doux mélange de teintes qui ouvre à notre esprit une sensation d'apaisement coloré et de prise de conscience, déploie un éventail de nuances inhérentes à l'existence. Encore un podcast. Un petit pas de plus vers l'omniscience, mais entre nous et cet utopique désir de connaissance se dresse, entre nous et cet utopique désir de connaissance se dresse la magie d'un monde pudique et poétique qui n'a de cesse de révéler ses mystères que de façon parcellaire, levant le voile sur une de ses facettes pour mieux nous dissimuler sa nature profonde. Un long tunnel iridescent et au fond la lumière blanche, l'omniscience. Peut-être qu'un jour, fort de nos découvertes, nous arriverons à rassembler l'ensemble de nos connaissances et modéliser tout ce qui nous entoure, comprendre toutes les règles qui régissent notre environnement et au-delà. J'espère que ce jour n'arrivera jamais. Quoi de plus beau que le challenge en science, ce subtil instant où, après avoir creusé une hypothèse et s'être planté de nombreuses fois, on découvre enfin la solution. Selon moi, la vraie connaissance, c'est le jour où l'homme a compris qu'il n'était pas le centre d'un tout, mais bien une entité fragile et éphémère qui, à la différence des autres espèces, possède cette extraordinaire capacité à voir, analyser et apprécier le monde qui l'entoure et d'accepter qu'il n'en comprendra jamais toutes les nuances. prendre conscience de cette imperfection. C'est ça le propre de l'homme. Le monde lui survivra et d'autres espèces prospéreront à leur tour, baignant dans un monde éternellement incompréhensible et magique. Vous présentez ce que la science fait de plus beau, perpétuant cette volonté de progresser. Vous nous guidez dans ce tunnel et ouvrez des portes alternatives, nous émerveillant dans l'exploration d'un monde inconnu. Il est aisé de dire merci, et l'usage, la pudeur et l'expédient le plus facile est de dire de rien. Mais non, tout votre travail représente beaucoup plus. Soyez-en certains, je fais partie d'un groupe de gens qui, grâce à vous, aiment, lisent, découvrent et progressent, et ce n'est pas rien. Cela fait maintenant partie de moi. Continuez de nous régaler de vos découvertes. Merci encore. David Brosseau. C'est panache des messages quand même, comme ça quand même. Ouais, j'ai encore eu des frissons en l'entendant. Ouais, j'avoue. Je suis pas tellement d'accord avec cette histoire d'omniscience, de but et tout ça, mais tout le reste, franchement, j'ai ouais, puis c'est sa façon de raconter et de recevoir un peu tout ça, quoi. Ouais. Je trouve. Ouais. Non, mais c'est extraordinaire. Quand on reçoit ce genre de message, je me dis, bon, bah, ok, ça valait les nuits blanches, les sacrifices, les week-ends passés à faire des montages. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, David. Ouais, c'est superbe. Bah, du coup, sur ce magnifique message, on passe à un sujet où il y a presque une transition, qui sait. c'est que j'ai été, donc, toujours dans les stats, regarder les pays hors la France où on nous écoute le plus. Alors, tout autant, comme on vous a toujours dit, les stats au niveau podcast sont assez compliquées. Là, ce que j'ai regardé, c'est les visites du site internet, en fait. Et donc, où on a des origines géographiques sur l'année 2014. Et donc, je fais ça parce que j'ai été très étonné de découvrir ça récemment, on en a déjà parlé lors du précédent freestyle. C'est que donc, on a plein d'autres pays qui nous équipent, et donc on fait le world du pays hors la France, où on nous écoute le plus. Les sélectionnés sont le Canada, la Belgique, la Suisse, le Maroc ou l'Algérie, et le lauréat est le Canada. Et c'est quel ordre de magnitude par rapport à... Par rapport à la France ? Ouais. Par rapport à la France, il y a un ordre 10, hein. Bien 10, voire un peu plus. Par contre, entre les autres, c'est assez dans un mouchoir de poche. Bien sûr, je n'avais pas noté les chiffres ici et je suis en train d'aller les récupérer. Mais par rapport à la France, il y a vraiment un ordre 10. Par contre, après, les autres existent, quoi. C'est pas, c'est pas dément, mais ils existent, quoi. Typiquement, moi, je me souviens, on avait regardé pour la 100e. Et à la 100e, il n'y avait pas de propos à dire. Il y avait la Suisse et la France, point barre, quoi. Là, le fait que le Canada soit passé devant la Suisse, même en fait, ils sont quasiment tous passés devant la Suisse, là. C'est ça qui est impressionnant, en fait. Bon, en même temps, statistiquement, c'est assez normal. Oui, bien sûr, mais... La Suisse, c'est même pas... C'est un quartier. Donc, voilà, sur l'année, ce que nous dit Analytics en session, donc je pense que ce qu'ils appellent session, c'est les visiteurs uniques, ou ça doit être les utilisateurs, enfin bon, en session, donc je sais pas ce que c'est ce chiffre. En France, on en a 337 000, et en Canada, il y en a 31 000, en Belgique, 21 000, en Suisse, 16 000, au Maroc, 10 000, en Algérie, 9 000, et après on passe aux États-Unis, à la Tunisie, à la Réunion, avec un peu moins. Ok. Donc voilà, c'est rigolo quand même, parce que c'est 10% quand même, enfin c'est pas anodin, quoi. Ouais. J'aime bien. Ouais. Et puis les Canadiens aussi, on doit leur apprendre à compter normalement, ils disent aussi 70 et 90. Ouais, mais par contre, c'est eux qui ont le meilleur français, je crois, mieux que les Français encore. C'est pas ce qu'on dit, non ? Ça dépend ce qu'on appelle le meilleur français. Hein. Bah, c'est le français le plus respectueux. Ouais. Ils ont beaucoup de termes français, francisés. Ils ont beaucoup de termes français. Oui, ils ont beaucoup de termes que nous, pour lesquels nous, on emploie des mots anglais, mais ils ont aussi beaucoup de termes anglais que nous, on n'utilise pas. Ouais, exactement. Puis c'est des mots vachement démodés et qu'on n'utiliserait plus. Non, mais il y en a qui sont géniaux. Hein. Je me souviens plus ce qu'ils disent pour chatter, mais c'est vachement chouette. Placoté. Hein ? Placoté. Ou placoté. Ah, c'est mignon, ça. Ils ont plein de trucs géniaux comme ça. Alors que nous, on dit clavarder, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, mais personne ne dit. Ouais. Personne ne dit en France. Là-bas, c'est utilisé et on ne trouve pas ça ridicule et du coup, ça marche, quoi. Du coup, ça rentre dedans. Je trouve ça chouette parce que finalement, inventer des mots, ça a un côté super sympa. Enfin, ça a un côté vachement agréable de te dire que tu as le droit d'inventer un mot comme ça et d'utiliser un mot nouveau. Alors que je trouve que les mots anglais, ça ne fait pas mot nouveau, ça fait mot emprunté. Ça fait vraiment pas le même effet. Mm-hmm. Et ouais, pensez à nous dire d'où vous êtes, même si c'est la France, même si c'est la Belgique, la Suisse, etc. C'est parce que c'est sympa de se dire qu'il y a des gens un peu partout qui nous écoutent, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et non seulement de quel lieu géographique, mais aussi... Mais ça, pour le coup, on avait posé la question déjà, mais genre, est-ce que c'est en faisant de la route, en faisant la cuisine, est-ce que c'est En travaillant, pardon, non, ça se... normalement non. En faisant le repassage, on avait eu. Ouais. Ouais, moi alors je continue l'autoflagellation. C'est pas vraiment l'autoflagellation, c'est pas non plus pour me faire plaindre. C'est juste on aurait pour... dû appeler cet épisode la thérapie de Robin, quoi. Ouais, non, mais c'est pas du tout une thérapie. Non. C'est pour m'excuser pour toutes les fois où je suis complètement à l'arrache. Et pour dire, je trouve que c'est rigolo de donner un peu les dessous et de dire que de temps en temps, enfin, on a une vie en dehors et que un rendez-vous une fois par semaine, c'est une contrainte qui parfois peut être un peu compliquée à gérer. Je sais pas, les autres ont pas voulu participer à cette rubrique alors que je trouve que je suis sûr que vous avez aussi des choses à raconter, quoi. Donc j'avais envie d'appeler ça le prix de la situation la plus pourrie avant ou pendant une émission de podcast science. De panique un peu, d'angoisse, de trucs où vraiment c'est pas terrible. Par exemple, alors ça je suis sûr que je suis pas le seul, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je suis sûr que je suis pas le seul à qui c'est arrivé, où j'ai dû plusieurs fois écrire le teaser du dossier que je devais faire la semaine d'après pendant l'émission. Donc ça c'est assez angoissant parce qu'on essaie d'écouter l'émission quand même parce que c'est intéressant, mais en même temps on sait qu'il faut avoir fini son teaser et être sûr que ça parlera quand même à peu près du dossier qu'on abordera la semaine prochaine. Et qu'on n'a pas encore commencé. Comment finir le dossier la semaine prochaine. T'es d'accord que ça t'est déjà arrivé? Oui, je suis sûr, Robert, On est tous passés par là, donc voilà, juste, ça fait partie des situations, je pense qu'on l'a tous vécu, et ça fait un peu transpirer quand même, quoi. Je veux dire, c'est pas très confortable. Ouais. Il y a pire que ça, alors ça pour le coup je ne sais pas si un des autres a ce qui s'est arrivé, c'est un peu plus grave, c'est finir la préparation du dossier pendant le générique et le tour de table du début de l'émission. Ça c'est un peu plus compliqué. Je crois que moi ça m'est arrivé une fois. Ouais, moi ça m'est arrivé plus d'une fois aussi. Là, bien sûr les gars, c'est pas arrivé à tout le monde. Non, ça, je pense que c'est pas arrivé à tout le monde. Ça, pour le coup, j'en suis pas fier, mais voilà. Bon, après, il y a différents degrés, hein. Je veux dire, il y a juste se dire, ah mince, j'ai oublié de réfléchir à comment j'allais faire une accroche pour le début, ou ah tiens, j'ai oublié d'envoyer à Alan les sons qu'il devra diffuser pendant le dossier, ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est pas tout faire non plus, hein. Généralement, c'est fait. Alors, situation aussi, alors bon, ça, il faut être un minimum distrait, mais je pense qu'il y a d'autres distraits quand même parmi nous, où, voilà, ça m'est arrivé, une fois ou deux, d'être en train de commencer à préparer à manger, tranquille, tout va bien, la soirée se déroule, je commence à préparer à manger, et tout d'un coup, je me dis, ah, mais tiens, on est mardi soir, et il est plus de 8h30, ah, c'est dommage, l'émission a déjà commencé. Alors ça, généralement, je m'excuse platement. Ça ne m'arrive pas quand c'est moi qui présente le dossier, parce que quand même, j'ai une alerte interne plus forte que ça. Mais ça peut m'arriver quand c'est pas moi qui prépare le dossier. Une situation qui m'est arrivée vraiment, là, j'étais très vexé, parce que j'étais en visite et j'ai pensé, on est mardi soir, et j'ai pensé, il y a podcast science, et donc j'ai dit, on s'en va. Et vraiment, on est parti. Et en sortant, c'était juste avant mon déménagement, et il se trouve que dans mon nouvel appartement, il y avait une fuite d'eau et qu'il fallait absolument aller vider le seau parce que sinon, ça allait déborder chez les voisins du dessous. Et là, vraiment, j'étais très énervé, très vexé parce que j'avais vraiment pensé à partir à temps. J'allais arriver pile à l'heure pour l'émission. Sauf que du coup, j'avais oublié cette histoire de fuite et qu'il a fallu que j'aille faire un aller-retour en courant pour aller vider le seau et arriver... Bah, du coup, en retard à l'émission. Et là, je devais en plus présenter le teaser de l'émission suivante que je n'avais évidemment pas préparé, que j'ai préparé dans le métro entre les deux. Ça, c'était un petit peu compliqué. Et alors maintenant, j'ai une dernière situation pourrie qui peut m'arriver, c'est évidemment depuis que j'ai une fille, parce que ça complique un peu la vie quand même. Et ça, c'est terrible, parce que ça demande de l'anticipation. Parce que quand on sait qu'il nous reste une heure avant l'émission, et qu'on a juste une petite rubrique, et qu'on sait quel est le sujet, et qu'on sait où est la doc, on se dit que tout va bien. Mais quand on se dit tout d'un coup, elle va se réveiller dans un quart d'heure en ayant faim, et donc il faut que je m'occupe d'elle, je ne vais pas avoir le temps de préparer ma rubrique, et après l'émission aura commencé, et je ne vais pas pouvoir commencer à préparer ma rubrique pendant l'émission. Et donc, je suis absolument navré, mais c'est clair qu'il y a une rubrique, je pense que les gens qui l'ont entendu la reconnaîtront, que je n'ai globalement pas préparée. Mais ça, avec Ninon, en plus, ça va pas aller en s'arrangeant, hein, parce que voilà, Ninon, c'est les biberons, après, ça va être les couches, il va falloir la changer après, au dernier après, ça va être moment. Les fractures de skateboard. Ouais. Enfin, ouais, non, mais ça, c'est fait. Mais... Non. Mais alors, par contre, en fait, je suis assez optimiste, parce que le constat que je fais, c'est que depuis, j'anticipe vachement plus. Je peux dire que je pars de loin. J'anticipe 10 minutes avant, maintenant, c'est ça. Non, j'anticipe vachement plus. Bon, et donc, le Ward est pour qui? Bah je sais pas, je vous aurais bien laissé voter volontiers, mais Je crois que c'est pour toi, de toute façon. On ne sait pas pourquoi, mais... J'ai besoin vraiment de contexte, Robin. La rubrique que tout le monde doit reconnaître, que tu n'avais pas préparée du tout, c'était laquelle, en fait ? Non, ne me dites pas que vous ne l'avez pas reconnue. J'ai peut-être oublié. Je crois que tu n'étais pas là, en fait. Ah, peut-être que tu n'étais pas là. Peut-être que tu n'étais pas là. Ouais. Non, Julie a reconnu. Hein. C'était la dernière. C'était sur la tectonique des plaques ? Ouais. Je suis dégoûté parce que c'était vraiment un sujet que j'aimais beaucoup. Mais là, je ne l'ai pas clé, quoi. J'en suis vraiment désolé. Hein. Je suis bien obligé de l'admettre. J'ai encore pas écouté. J'espère juste qu'au moins ça aura titillé la curiosité des gens et qu'ils auront creusé. C'est cette concurrence de théories toutes plus folles les unes que les autres qui tentent d'expliquer la formation des continents. Avant la. Il y avait Marco qui en avait parlé. Sérieux, exactement, ouais, Marco. Oui. Il en avait parlé, mais je ne sais pas s'il avait parlé des théories concurrentes avec les ponts continentaux, etc. Ouais. Et la pomme fripée qui était quand même très, très chouette, la pomme cuite là. Ouais, je crois qu'il n'avait pas donné tous tes exemples quand même. Non, il y a quand même tout un tas de théories concurrentes qui sont vraiment chouettes. Et ce que je trouve intéressant, c'est à chaque fois en me disant, oui, il y a un truc à expliquer, ça explique une partie des choses, ça part pas de n'importe où quoi, c'est pas gratuit. Et sinon, pour illustrer les situations pourries, etc. Bon, là, c'était pas une situation pourrie, mais le fait que parfois je suis légèrement à l'arrache, je voulais aussi tenter un prix du prix qui aurait été sympa de présenter, mais sauf que ça demandait du boulot. Oh, je me suis pris trop tard. J'ai eu des idées de prix, mais trop tard. Par exemple, le meilleur commentaire. Alors, on a eu le meilleur merci, mais le meilleur commentaire, ça aurait été beaucoup trop de boulot de regarder tous les commentaires. J'ai eu l'idée une demi-heure avant le début de l'émission, c'était trop tard. Le prix, j'aimerais beaucoup faire le prix du meilleur dessin de Pouillot, mais il faudrait faire la liste de tous les dessins de Pouillot et ça prendrait du temps. Ça serait sympa, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis pas que de Pouillot, mais enfin c'est lui qui nous en fait le plus ces derniers temps, c'est pour ça que j'ai pensé à lui. Le meilleur livre de science que j'ai lu ou qu'on ait lu, ça serait quand même sympa. Ou qu'on ait lu pour toi. Ou qu'on ait lu pour moi, puisqu'en l'occurrence, c'est vrai que les livres de science, j'en lis vraiment pas assez. Pour Nico, on sait. La meilleure émission de radio que j'ai entendue hors podcast science, parce que j'écoute quand même des émissions de radio qui parlent de science régulièrement. Mais alors ça, il faudrait que je prenne des notes, et ça, c'est impossible. Il faudrait prendre des notes sur le moment. Ça, c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous écoutez la radio et vous écoutez des émissions de science parfois, mais je trouve que ça vaudrait le coup éventuellement de faire des... Voilà, de parler d'émissions de radio qui nous ont plu pendant l'année. Moi, je n'écoute pas du tout la radio, alors comme ça... Bon, d'accord. Je trouve que comme on fait une émission de radio, a priori, on s'adresse à des gens qui sont capables de, enfin, qui sont susceptibles de écouter d'autres, et c'est bien de faire la pub de d'autres émissions. Mmh. Et je me souviens notamment avoir entendu une émission récemment où l'invité était Guillaume Lecointre sur la classification du vivant, qui rejoignait des choses dont on avait parlé à Podcast Science, mais je trouvais que c'était vraiment passionnant. Il en parlait très très bien, et c'était vraiment passionnant. Et puis bon, il faudrait aussi faire le meilleur épisode de Podcast Science, mais ça vexerait des gens, et puis il faudrait que je les écoute tous, et ça, j'y suis vraiment pas. Allons bon. Ok, bon, parfait. D'autres choses à rajouter ? Des awards à inventer ? Quelque chose, les amis ? Non. Pas nous dire que ça y est, c'est fini, c'est tout ? Non, écoutez, si tout est bon, je pense qu'on va pouvoir coter et pitcher et conclure. Alors, pour le pitch... Donc la semaine prochaine, on va parler des nombres complexes. Alors en fait, à l'issue de mes dossiers sur le zéro, Alan me demanda si on avait découvert d'autres nombres aussi importants et utiles que le zéro depuis. Et pratiquement au tac au tac, moi je lui réponds le nombre imaginaire, i. Et je découvre alors un ton étonné, et puis il me pose des questions en me disant « Non mais tu charries, c'est encore un truc obscur de matheux que seuls eux connaissent. » Et bien le 6 janvier, vous allez découvrir ce qu'est et à quoi sert ce nombre, et surtout pourquoi aujourd'hui, tout comme le zéro, les scientifiques ne pourraient plus s'en passer. Ok, bon, pour te rattraper, t'as préparé une côte au moins. Jamais mieux préparé, mais bien sûr je les ai pas notés, mais une côte est apparue dans le conducteur merveilleusement. Une côte de Carl Sagan. Par contre, là, je viens d'avoir une extinction de voix, je suis plus capable. Écoute, je pense qu'on l'a déjà faite, mais je l'aime bien. Puis comme c'est un numéro un peu festif et puis un peu de bilan, quoi. C'est le dernier numéro de l'année, j'ai envie de la refaire. Donc c'est Carl Sagan, je la fais en anglais, tu pourras la traduire à la volée quand on aura récupéré ta voix. « We live in a society exquisitely dependent on science and technology » in which hardly anyone knows anything about science and technology. Nous vivons dans une société qui est largement dépendante de la science et de la technologie et dans laquelle pratiquement personne ne comprend quelque chose à la science et à la technologie. J'aime bien, ça met les choses en perspective. Ouais, tout à fait. Et voilà, merveilleux. Sur ce, on a juste un petit plug, et je partage complètement ce plug. Ouais, on a un petit plug pendant que tu réfléchis à la conclusion, puis on ne veut pas entendre que d'habitude, si vous avez aimé, que vous ayez aimé ou pas gagné le podcast. Donc réfléchis à dire quelque chose de bien, de brillant, parce que c'est ta dernière conclusion de l'année. Donc le plug est pour la chaîne YouTube Dirty Biology. Léo, qui vient de publier un nouvel épisode sur le pénis. À quoi sert le pénis ? Ouais, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le pénis. Tout ce que vous avez jamais voulu savoir sur le pénis. Ouais, alors probablement. parce qu'il y a de tout. Y a de tout ça parce que, a priori, Pierre Carver a participé, ça vous donne un indice. Voilà. Disons qu'en général, les épisodes de Dirty Biology sont excellents. Mais là, il y a en plus une petite touche carnérienne. C'est juste. Et le montage est excellent en plus. Ouais. J'allais dire c'est délicieux, mais ça pourrait être mal interprété. Donc, allez le voir. Et puis, il a un Tipeee Dirty Biology. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de l'aider financièrement en sponsorisant des épisodes. Alors, ils sont tellement bien, il ne faut même pas réfléchir. Quoi. Il faut y aller. On vous mettra le lien dans les notes de l'émission. C'est Tipeee, avec, donc tipeee.com/dirtybiology. Franchement, allez donner un petit coup de main, parce que des contenus comme ça, pour faire connaître la science... C'est juste extraordinaire. C'est d'utilité publique. Si vous n'avez encore pas dépensé tous vos sous pour Noël ou si vous en avez reçu, vous ne savez pas quoi en faire, c'est notre conseil. T'as pondu une conclusion, Tup, dans l'intervalle ? Pour l'award du réseau social sur lequel vous pouvez commenter le mieux Podcast Science, sont sélectionnés SoundCloud, sur lequel vous pouvez mettre des commentaires sous les sons et les minuter exactement à l'endroit où vous voulez mettre des commentaires, Twitter, sur lequel vous pouvez nous envoyer un message court auquel on répondra très rapidement parce qu'il est court et donc on le lira rapidement, Facebook, sur lequel vous pouvez nous envoyer des vidéos de 2 heures en plein milieu d'après-midi qu'on ne regardera pas tout le temps mais ça nous fait plaisir de savoir que vous vous intéressez, SpeakPipe, dans lequel vous pouvez nous laisser un message audio très intéressant et qu'on se prend toujours un malin plaisir à écouter. Ou plus simplement, notre cher blog podcastscience.fm qui fait toujours bon usage et où les commentaires sont rapportés sur les dossiers et donc faciles à retrouver. Le lauréat, ils sont tous lauréats. Pour l'award de la meilleure conclusion, sont sélectionnés. La conclusion d'il y a 3 semaines d'Alan qui a enfin proposé une nouvelle conclusion, parce qu'il en avait marre des conclusions classiques. La conclusion classique parce qu'elle est pas mal finalement et elle est classique, on se sent rassuré. Ou la conclusion de cette semaine qui se veut originale et ludique. Le lauréat est la conclusion de cette semaine et que servir la science soit votre joie. Je ne sais pas si on ne le laisse pas Irène, celui-là, non ? Oulala, oh, oulala. Pascal. Ouais, c'est Pascal qui l'a proposé. Mm-hmm. Ah, pardon. Ah oui. Irène, je vais t'envoyer le lien sur le conducteur de l'émission. Et puis, non, et puis non, je vais faire le Word, alors. Mais non, mais j'y suis déjà, pardon. Ah non, mais j'y suis plus. Bon, vas-y. Non, mais je suis un peu à la ramasse. Sais, bon, Irène, mais okay, à quel okay. point je suis content que tu aies rejoint l'équipe qui ne peut pas imaginer. Non, mais je vois pas ma couleur sur le conducteur, vous avez rigolé. Hein. C'est parce que ton écran est en noir et blanc. Non, mais en fait, c'est pas ta couleur, c'est Nico qui est déjà... Les deux qui utilisent un Minitel, c'est fatigant, quoi, ils ont pas de couleur. Mais en fait, je crois que Nico souffre de daltonisme, il a réussi à le camoufler jusqu'à maintenant. Mais là, il vient de se faire choper. Non, mais sérieux, ma couleur... Mais c'est pas rond, il y a des couleurs sur le Minitel en plus. Mais non, mais je vois du rose, du bleu, le rouge sombre, n'y est mais pas. Mais c'est pas la couleur d'Irène, hein. Non, c'est pas la couleur d'Irène. Mais pour moi, c'est la couleur de Joanne, mais c'est peut-être pas la couleur de Joanne. Moi, je suis en vert. Ah oui, d'accord. Joanne, c'est du vert, et puis ça, c'est une espèce de rose foncé. Bon, ok, c'est la couleur de Pascal, donc c'est moi qui fais, c'est ça. Il n'y a pas du mal avec la géographie, en fait. Très bien. Bon, donc... Non, mais le coup de... Non, il y a un truc, il y a quand même des choses sur le coup du truc, la nouvelle scientifique dont on se fout. En fait, un des trucs qui m'a déclenché là-dessus, parce que ça m'a choqué, en fait, aussi, c'est je vais pas citer son nom parce que c'est vraiment ça se fait pas, mais dans le cadre du boulot, quelqu'un qui s'est énervé contre le prix Nobel de physique en disant genre en gros non mais c'est nul quoi, les LED c'est nul, et j'ai trouvé ça très curieux de dire c'est nul, Enfin, je veux dire, il y a des prix Nobel qui valent la peine, quoi, qui sont glorieux et tout. Et puis, il y a des trucs, c'est pas intéressant. Voilà. Sans aller chercher ce qu'il y avait derrière, sans aller creuser ce qu'il y avait derrière. Je trouve ça assez marrant. Il y a un côté émotionnel. Enfin, il y a un côté sans savoir si c'est intéressant, si vraiment le contenu est plus ou moins intéressant quelque part, si c'est plus difficile ou pas. J'en sais rien, même si c'est un sens de parler plus difficile ou pas, de dire ça intéresse ou pas. Il y a un côté très émotionnel, quoi. T'as déjà regardé un fil de commentaires, Robin, ou pas? Comment? T'as déjà regardé un fil de commentaires sous un article? Ouais, non, c'est non, beaucoup de ça, en fait, souvent. Mais bien sûr, ouais. Mais je trouve ça intéressant, parce que justement, c'est quand t'es dans le monde de la science, quand t'es dans un domaine particulier, tu vas pas vraiment, ça va pas être les mêmes choses qui vont t'intéresser que quand t'es un peu à l'extérieur, et puis quand t'es juste à récupérer les gros titres, c'est un peu n'importe quoi, finalement.